Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Gamme Trip FM, le samedi de 11h à 12h30. Où est Schnagel? Nom de Dieu. T'as vu? Est-ce que ce jingle serait pas meilleur que celui de la dernière fois? Hein? Je l'ai changé enfin. Voilà. Ah, c'est Lucas Hart qui l'a réalisé. Eh, bonjour à tous. Bienvenue sur GTFM, du coup votre émission uniquement dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio la plus proche des Lorrains. 8e épisode cette semaine, et épisode un peu particulier avec plein de nouvelles choses. 30 minutes de plus déjà, on a commencé un peu plus tôt pour ça, il est 11h01. Comme désormais toutes les deux semaines, on va parler du meilleur de l'actu des jeux vidéo, du rétro gaming bien sûr, c'est pour ça qu'il y a Retour à le futur en son. Et en compagnie donc d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux oldies depuis 11 ans sur internet. Et on va laisser beaucoup plus de place au débat désormais. Dans 5 minutes, on va commencer d'abord par nos coups de gueule et nos coups de cœur de la quinzaine qui vient de s'écouler. Ensuite, à 11h10, on va parler de Cuphead 2 et de l'anniversaire de la Saturne. À 11h40, on parlera des casques en verre, des microtransactions d'EA. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et en fin d'émission, Jérém, qui est à mes côtés aujourd'hui, pourra enfin faire son live report sur la BlizzCon. Salut Jérém. Salut, bah c'est plus trop live du coup, mais... Ouais, mais on va dire que c'est un live report en direct. Mais dis-le, t'y étais pas, on sait. Tous les auditeurs savent que... Faux. On rappellera rapidement ce qui s'est passé la semaine dernière. Juste pour rigoler. Ben est là aussi, vous l'avez entendu. Salut. Nouvel horaire pour sa chronique aussi. Ce sera un petit peu après 11h30. On va réfléchir autour des jeux vidéo avec lui. Ça va nous changer. En s'amusant. Oui, on va réfléchir en s'amusant, dis donc. Voilà, parce qu'on en avait marre de dire à chaque fois que tu t'inventais des histoires. Donc maintenant, on a changé un petit peu la chronique. On vous fera écouter aussi le nouveau jingle qui va bien te plaire. Génial. À 12h05, la chronique musique. Comme chaque émission, on va vous faire découvrir une musique de jeux vidéo et l'histoire qu'il y a autour. Et puis, nouveauté de l'émission, à 12h20, restez avec nous, notre nouvelle rubrique Psartek ou Balek. On a sélectionné le tout venant, on va dire. Et si ça nous intéresse ou pas, on vous le dira. Si ça nous intéresse, si ça ne nous intéresse pas, soit Psartek, soit Balek. Vous avez vous aussi la parole. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission, commenter l'actu avec nous, poser des questions, laisser un message sur Twitter avec le hashtag GTFM, le hashtag BLE Radio. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter et commenter sur la page officielle GameTrip.net. Et en attendant, on commence donc par quoi? Par les coups de cœur. C'est bien, vous avez suivi, parce que moi-même, je ne suis pas ma propre émission. Donc voilà, merci d'être là. Mais il vous en prie. Et tout de suite, donc les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et on commence par Jérém. Oui, alors... Coup de gueule, comme d'habitude. J'en avais un de chaque, mais je vais partir plutôt sur le coup de gueule, vu qu'on reparlera de Warcraft après. C'était surtout par rapport à FIFA 18, dont on a parlé il y a maintenant un mois, si je me trompe pas. Ah oui. Un bon mois, ouais. Ça sortit. Ouais, voilà. Et en fait, du coup, alors alors je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais les joueurs professionnels, enfin, de ce que j'en vois et tout, apparemment FIFA c'est clairement un gros fiasco. Autant niveau gameplay, ça a l'air quand même d'aller, mais il y a des gros glitches qui provoquent des déconnexions pendant les games. Ton adversaire peut réussir à te faire déconnecter, et donc tu vas perdre ta game contre lui. Il y a des trucs, il y a des comptes qui sont piratés. Enfin, c'est EA fait n'importe quoi avec son FIFA. Ouais. Et niveau compète pure, il y a quand même de l'argent au bout et tout ça. Et c'est une grosse blague actuellement de ce côté-là. On n'a pas de nouvelles de PES. Je joue pas en ligne, donc je peux pas dire. Mais en tout cas, sur le jeu, sur le mode solo, il y a pas plus de glitch que les anciens. Donc mais a priori, ouais, voilà. C'est sur l'online, quoi. En online, c'est un gros drame, clairement. Ouais, ça a été plutôt tout le temps, j'ai envie de dire, l'apanage de tous les jeux online, et particulièrement des FIFA depuis des années. Mais c'est vrai que moi j'avais encore jamais vu de plaintes comme ça. Là, clairement, les joueurs entre guillemets emblématiques, quand tu gagnes ton pognon avec ton salaire qui en pâtit potentiellement. Moi j'ai un coup de gueule aussi, coup de gueule et coup de cœur en même temps, un peu des deux. Le Black Friday, on est en plein dedans, voilà, vendredi. Alors déjà, le coup de gueule, c'est que j'ai vu quelqu'un sur internet, c'est un cousin à moi qui a mis en gros Naguère, oui, il a utilisé Naguère, je ne sais pas pourquoi. Jadis Naguère, les gens râlaient parce qu'on avait importé Halloween, machin et tout. Sauf que là, cette année, Black Friday, tout le monde en parle, et genre, c'est génial. Mais bon, c'est pareil, c'est aussi un truc américain importé, et là, personne ne dit rien. Moi, je trouve que justement, si on en dit un peu trop, et il y a plein de gens qui râlent en disant que bon, ça suffit, les soldes, voilà. Et puis le Black Friday qui dure une semaine aussi. Ouais, le Black Friday qui dure une semaine, et surtout, voilà, dites que c'est des soldes, quoi. Dites qu'il y a des soldes tous les trois mois maintenant. C'est un petit label marketing, tu vois, Black Friday, voilà. Black Friday, c'est bien. Alors, du coup. Du coup, moi, je l'ai vu sur tous les sites de jeux vidéo, de revente de jeux vidéo, tout ça. Je trouve que c'est quand même cool parce que finalement, on a fait des plutôt bonnes affaires, enfin, si jamais vous attendiez des bonnes affaires. J'ai acheté 4 Oculus Rift. Hein, voilà, et donc du coup, voilà, c'est là que j'allais dire. Grâce à ce Black Friday magnifique, c'est un coup de gueule et un coup de cœur en même temps, c'est que moi j'ai acheté l'Oculus Rift plus l'Oculus Touch mercredi soir à près de 500€. Et il se trouve que à peine 24 heures après, il y avait le Black Friday et qu'il est tombé à 400€. Et du coup, j'ai racheté un Oculus Rift et il va falloir que j'arrive à renvoyer l'ancien en espérant un remboursement. Mais c'est pas dit. Parce que c'est pas dit, ouais, ça voilà. C'est mauvais. Donc du coup, si vous voulez, on vous fait gagner bientôt un Oculus Rift. Ouais, contre un chèque de 500€. Un chèque de 500€, évidemment. Voilà. Ben, tu as aussi peut-être un coup de gueule. Ouais. Non, un coup de cœur. Ah. Oh, enfin. J'ai que des coups de cœur, moi. Je suis un homme. Tu es un homme pacifique et doux. On peut pas le faire à la radio. Cœur sur vous. Cœur sur vous, mes amis. Avec les doigts. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai découvert là récemment. Enfin, c'est pas exactement ça en fait. C'est une série de documentaires qui s'appelle Digging in the Cards de Nick Dwyer, qui est consacré à la musique de jeux vidéo japonaise. Tu vas kiffer. Mm-hmm. Et c'était il y a 3 ans. C'est Red Bull Music Academy qui a financé ça par un Américain qui s'appelle Nick Dwyer, qui est Tokyoïte d'adoption. Et donc, il a réalisé une série de 6 petits documentaires comme ça sur la musique de jeux vidéo où on rencontre des compositeurs japonais comme, que j'ai franchement pas toujours identifié, quoi. Genre Hirokazu Kentanaka, bien sûr. Voilà, Yunko Ozawa. Mais et attends, ça, hein. Si t'identifies pas ceux-là, je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici, quoi. Mais oui, mais c'est les plus connus. C'est les plus connus. C'est les plus connus, c'est vrai. J'en sais rien. Voilà, donc voilà. Alors, mais c'est cool. Et si vous les connaissez, mettez-le en hashtag. Hashtag GTFM. Voilà, il nous parle de la musique de jeux vidéo depuis à peu près les années 80 jusqu'au milieu des années 90, jusqu'à Tekken. Enfin, à la limite, voilà, que le mec pose, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais. Ça va jusqu'à Tekken. Et t'as plein de musiciens aussi qui ont été influencés par cette musique-là, qui parlent. Et ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé, parce qu'il y a des gens, il y a des rappeurs comme Didier Rascal, par exemple, Flying Lotus, Thundercat de label Brainfeeder. Alors c'est un petit peu pointu, vous me direz, les gens vont pas forcément reconnaître. Flying Lotus, je pense que réflexion, c'est plus. Ah merde, oui, c'est vrai, le temps passe. Donc, pardon. Mais ça fait un peu chronique réflexion. Ouais, c'est ça. Mais il y avait plein de trucs à dire. C'est super cool. Et maintenant, en fait, Red Bull lui a donné. C'est sur le net, sur YouTube, voilà, gratos. Okay. T'as 6 épisodes. Et là, récemment, Red Bull Radio a donné un nouveau format à ce mec pour qu'il fasse des petits podcasts. Il y en a plein et comme des youtubeurs. Ouais, ça sort tous les mercredis ou tous les vendredis, je crois. Donc voilà, il y a plein de trucs super intéressants sur la musique. J'avais écrit 2 pages, dis donc. Ouais, c'était un vrai coup de cœur. Ouais, mais il y a plein de trucs. Bon, voilà, j'ai pas le temps de tout dire, mais ça se trouve sur YouTube en fait. Ouais, ça se trouve. Alors les documentaires se trouvent sur YouTube et puis. Vous tapez Digging in the Courts pour avoir le podcast. Wow, wow, moi je l'ai écouté, sur un site via un. D'accord. Ah. Ça a fait Bling Long. Voilà. Voilà. J'ai écouté sur un site avec un lecteur intégré au site. Je ne sais pas du coup d'où ça vient, mais tu tapes, tu trouves sans problème quoi. Bah si, il y a un site, je suis con. Bah vas-y. Ouais, je l'ai pas noté. Tu tapes Red Bull Radio, Red Bull Music Academy, Digging. Comme creuser in the cards, tu trouves, voilà. D'accord. Pendant ce temps, je suis en train de relancer la machine, étant donné qu'on a un écran qui a sauté. Ah oui, d'accord. C'était c'est ça. Joli. C'était ça le bruit que vous avez entendu. C'était un écran qui a sauté. Du coup, voilà. Merci. Merci pour ces coups de gueule et ces coups de cœur. On va passer, du coup, nouveau format d'émission. Maintenant, on va laisser donc plus de place au débat et on va partir tout de suite sur notre première session de débat. Alors, de quoi on va parler? On va parler de Cuphead, le Cuphead 2, la suite qui a été annoncée. C'est notre premier débat. On va en parler pendant quelques minutes. Voilà, c'était juste pour faire une petite virgule. Oui, d'accord. Voilà. Alors, attention, c'est les pièces de Mario. C'est les Sonic Ring. Ah, allez, voilà. Ouais. Aïe. Voilà. Donc Cuphead, une suite annoncée donc par les développeurs, c'était il y a quelques semaines. On rappelle donc que Cuphead, c'est sans doute le jeu indé de l'année. On peut dire ça comme ça. C'était un jeu qui a énormément cartonné, 1 million d'exemplaires en 2 semaines. Un run and gun. Un die and retry, même si on veut parler anglais, Dans un univers un peu Steamboat Willie, voilà, des vieux dessins animés des années cartoon 20, années 30, voilà, ouais, c'est hyper en beau, noir et blanc, enfin en noir et blanc avec un peu de couleur, un peu de couleur fade comme ça. Ouais, voilà, c'est vraiment, ouais, oui, quand même. Pas, ça fait pas penser noir et blanc, au dessin animé couleur, Popeye, ouais. En fait, l'ancien dessin c'est animé ça, Popeye. C'est ça. Ah bah c'est le, c'est ouais, c'est totalement ce studio-là, Betty okay. Boop et tout ça, c'est inspiré okay. totalement du boulot de ce studio-là, dont le nom m'échappe. Voilà, ouais, c'est magnifique. Et ouais, donc c'est magnifique et ça a fait, bah ça a fait un carton. Ça a fait un carton. Ça et fait forcément... plaisir, j'ai envie de dire. Et oui, ça fait. Voilà. Qui a joué, toi? Un peu. Et c'était comment? T'es pas un tryharder. C'est dur. Non, ouais. Je suis pas un tryharder, donc c'est voilà. C'est vraiment dur. Effectivement, il y a une réputation de d'être très difficile. Ouais. Et mais ça a pas empêché son succès. Alors après, est-ce que les gens vont revenir sur le 2? Parce qu'il y en a plein qui, voilà, ils l'ont acheté en disant c'est magnifique, il est beau et tout. Et en fait, c'est face à une montagne, quoi, les gens. Donc, et il y a beaucoup qui disent putain, je pensais pas qu'il était aussi dur. Bah oui. Est-ce que sur le 2, on va avoir un public plus pointu qui va l'acheter? C'est ça qui me fait un peu peur, moi, c'est qu'il baisse la difficulté, éventuellement. Alors voilà, oui, peut-être, ouais. Mais moi j'ai une question parce que je vais peut-être passer pour un inculte, mais tant pis. Il y avait déjà eu un Cuphead avant, et c'est genre celui-là, c'était le remake de genre de 20 ans après ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment premier, une ouais, c'est une première. Ah, d'accord, parce que tout le monde s'excitait autour du titre, mais non, parce que c'est un en fait parce que les trailers qu'on avait vus à l'époque, c'était vraiment clairement un hommage à une période de comics, enfin de dessins animés, voilà, des années 30. Des années 30, donc ouais. L'esthétique était déjà très très belle, et en fait on était plutôt attiré par l'esthétique à l'époque, à tes souhaits Ben. Pardon. On était attiré par l'esthétique, et du coup les gens avaient eu envie d'y jouer, et au final ils avaient découvert que c'était en plus un jeu hyper merde, il est dur. Hyper dur. Oh, c'est sous ces airs mignons, en fait il te violait à coups de gravier, une, tellement c'était compliqué, quoi. Une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Alors du coup, même si c'est chaud et que la campagne médiatique autour de cette difficulté a bien marché, le jeu a cartonné, donc ça a donné envie à MDHR, c'est le studio à l'origine, de refaire un nouveau canadien, je crois. Ouais. Ouais. Et est-ce que ce serait pas, alors si vous voulez réécouter notre podcast numéro 5, 6, on sait plus trop, je ne sais plus. On a parlé plusieurs fois de Cuphead. Voilà, et on avait fait un gros débat dessus aussi à un moment. Et est-ce que ce serait pas un peu le point de départ de des jeux comme à l'époque, on en parlait la dernière fois, des jeux voilà, du vrai oldies, un peu compliqué. On dit toujours Tintin au Tibet, tout ça. Mmh. Est-ce que il y aurait pas une certaine vague qui va commencer? Oui, il y a peut-être qui vont se raccrocher au wagon là et se dire que finalement les gens apprécient effectivement que quand il y a un petit peu de difficulté, peut-être. Mais il y a déjà des jeux qui étaient des indés, qui, justement, ce qu'on disait aussi la semaine dernière, il y a deux semaines, je crois. Donc c'était pendant le débat sur la difficulté dans les jeux vidéo, que finalement t'as le choix, t'as des jeux difficiles et des jeux faciles grand public, comme t'as des films d'auteur et des films des blockbusters. Donc je sais pas s'il y a un retour. Tu veux dire, est-ce que le grand public va se remettre à kiffer en masse les jeux difficiles, quoi. Bah forcément, si le grand public se remet à kiffer, forcément il y aura plus de jeux, ou voire l'inverse. Il je y aura pense que le plus premier, de jeux. Comme on disait, le Cuphead 1, il a marché parce qu'il était beau, il a attiré plein de gens. Parce que c'est exclusif d'avoir un truc comme ça, peut-être aussi. Et du coup, la difficulté a dû refroidir les gens. Donc je pense pas qu'ils vont kiffer. Je pense que si on leur dit ouais, Cuphead 2 sera encore plus dur, ouais, les gens ils vont faire des trucs. Bah, le encore plus dur, ce serait un mauvais argument marketing, je pense, parce qu'il a quand même été par une partie de la population, il a quand même été désingué parce qu'il était compliqué malgré tout. Mais bon, le jeu le plus dur auquel vous avez joué, si vous avez des souvenirs. Ouais, facile. Enfin, j'ai repensé là parce que ouais, Tortue Ninja sur NES. Moi, c'était je pense dans le truc le plus un des plus frustrants, c'était Super Gulchen Ghost sur Super NES. Bah, oui. C'était les deux que j'avais notés aussi. J'ai rejoué là sur la. Et toute la série. Hein. La mini NES, mini Super NES. Oh là là, toute la série Ghost and Goblin. Moi, je me rappelle du Ghost and Goblin sur ST et NES à l'époque. Le Teenage Mutant Ninja Turtle, ça c'est clair. Ouais, Et pour moi, c'était un Astérix. Je sais plus lequel. Ah ouais, c'était un sur Master System 2. Infogrames, non, qui fait des jeux de merde déjà. Donc, Et eux, ils ont fait déjà le Tintin. Bah, Tintin au Tibet, ouais, c'est ça, c'est Infogrames. Le Spirou était hyper compliqué. Astérix. Bah, Astérix, tout ce qu'ils ont fait par rapport à une adaptation. Et c'est terrible, je pense que le fait que ce soit des adaptations, ça joue encore plus. Quand t'es gamin, tu veux jouer avec les Tortues Ninja, Tintin, t'adores et tout. Et c'est cool, t'as envie de t'amuser. Et c'est hyper dur et c'est aussi mal fait. C'est pour ça que c'est dur. Oui. Et du coup, du coup, moi, il y en avait un autre qui m'avait un petit peu choqué. Je me rappelle, là, c'était Alex Kidd 2, le truc incompréhensible. Il était choqué quand même. Ah, si, il y avait aussi les Wonder Boy aussi. Ouais. Qui étaient super difficiles. Mais géniaux. Mais géniaux. Mais difficiles. Mais géniaux. mais difficile. Ok. Et donc, maintenant... Et donc ben merci, on va passer tout de suite au deuxième débat avec une autre virgule qui va vous faire plaisir. Voilà. Ça fait mal un peu aux oreilles. Ouais, carrément. Anniversaire de la Saturne, on reste dans le oldies. On va parler de l'anniversaire de la Saturne. Ouais, c'est l'anniversaire de la Saturne. 22 novembre 1994, comme disent les Belges, 94. Ouais, 94, alors bon, on triche un peu parce que c'est la sortie japonaise. Japonaise, c'est évidemment. Est-ce que elle c'est, a donc 23 sortie ans. Grave après en France, j'étais étonné. Un an après, elle est sortie un an après, ouais. Le 8 juillet, pas, presque un an, 8 juillet 95 en sortie. Ouais, maintenant et, c'est quand même impensable. Quoi. Vendu à 9,5 millions d'exemplaires, console de 5e génération, mais une 32 bits, parce que la 5e génération c'était les 32 et les 64 bits. D'accord. Et le problème de la Saturne justement, c'est que c'était une 32 bits. Il me semble. Ouais, totalement. Bah, c'était censé être la concurrente de la PlayStation. La PlayStation. Et le problème, voilà, c'est que la PlayStation est sortie. Ça a fait un raz-de-marée. 104 ouais. millions d'exemplaires. Merci, au revoir. Et puis après, il a 64 ouais. en 96. Il était sur la 64 bah, qui s'est planté, mais je pense moins que la Saturn, parce que ça a un peu signé la mort de Sega. Quoi, exactement. C'est la Dreamcast après qui a enterré complètement. Quoi. Oui, la Dreamcast qui était la dernière console du coup de Sega. Échec commercial parce que la PlayStation est sortie à côté, mais échec commercial aussi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi échec commercial en fait? C'est par rapport à la ludothèque, quoi. C'est la c'est ça. Hein, c'est... Alors la ludothèque, pour le coup, était très conséquente. Il y avait plus de 1000 jeux à l'époque. Il y avait énormément de jeux, mais il y avait une façon de fonctionner qui n'était pas comme. Et ben, à cause d'un seul jeu que Sony. Ah pardon. Et oui, ça c'est vrai. Et alors la première raison, c'est que justement l'architecture, c'était en fait une 32X. Ouais, c'était ça. C'était une méga CD 32X qui avait une certaine architecture très compliquée. Et en fait, ils n'avaient pas voulu refaire une console. Ils l'ont sorti à la va-vite. Et ils ont pris la même architecture que leur Sega 32X. Et les développeurs tiers n'arrivaient pas à coder des jeux là-dessus. D'accord. Donc, c'est embêtant. Voilà. Et le deuxième. Une super console, mais on n'arrive pas à coder des jeux. Le deuxième point, surtout, qui a fait énormément de tort à l'époque, c'est que, ils n'ont pas été foutus de sortir un jeu Sonic. En fait, il y avait un jeu Sonic qui s'appelait Sonic Extreme, qui a été annulé, et toutes les consoles Sega avaient un jeu Sonic emblématique, et les gens achetaient une console Logique, pour ça. Ou un Alex Kidd. Voilà, Alex Kidd qui devait être un des... Qui n'avait pas non plus sur Saturn d'ailleurs. Ouais, et qui devait être aussi un fer de lance à une époque, mais ouais. jusqu'à ce qu'il fasse des jeux pourris. Quoi. Et voilà, donc le Sonic Extreme n'a pas pu sortir, et bah, du coup, il n'y a pas eu d'emblématique Sonic sur la console. Il y a eu quelques jeux quand même qui ont bien... Genre Virtua Fighter 2 et Sega Rally, ça doit être les deux grosses... Sega Rally, hein, je dis pas de bêtises. Sega Rally, ouais. Ouais, ça a vraiment fait du bruit et tout, mais la PlayStation, en face, t'avais tellement de trucs, quoi. Je veux dire, je pourrais même pas citer de nom, mais ouais, c'est... Moi, je me souviens que quand je l'ai eu par inadvertance, cette console, parce que... mon papa, il devait me ramener une PlayStation. Il me passait me chercher à la sortie de l'école. Il revenait de magasin bien connu. Et je regarde dans le sac à côté et je jouais une Saturn. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et tu sais, j'avais regardé la vidéo, elle est là et pour longtemps, la PlayStation. Pas de Sega, j'ai rien à foutre, moi j'étais Nintendo. Et voilà, j'ai regardé les trailers réalisés par David Lynch et tout, avec toute la campagne qu'il y a eu sur PlayStation. C'était génial et tout, jouer à la Saturn. Et mon père, il me fait. Ah non, mais s'il n'y en avait plus, et le vendeur il m'a dit c'est pareil. C'est une Nintendo. La lose. Mais tu te rappelles que les mamans disaient tous c'est une Nintendo pour. Moi quand je jouais à la PlayStation, quand je jouais à la PlayStation, c'est tu joues à la Nintendo quoi, tu vois. Ouais, la PlayStation, oui. Bon, ouais. Et après, c'est devenu ça. La PlayStation. Oh, bah, je joue à la PlayStation, un Amiga machin. Sauf que c'est une PlayStation 4, ça n'a aucun. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, du coup. Ouais, moi j'ai joué à Virtua Cop, c'était bien, j'avais le pistolet, c'était cool. Daytona USA, qui était un peu le Ridge Racer de. Ouais. La Saturn était bien. Quand même, bon, il y a eu du clipping énormément, mais bon, c'était. Et les voitures étaient un peu carrées, et la 3D qui n'existait pas encore à l'époque chez eux, apparemment. Quand t'avais des accidents, tu remarquais pas que ta voiture était tordue, parce qu'elle était déjà tordue. Et j'ai demandé justement sur la page gametrip.net Facebook, j'ai demandé des souvenirs aux auditeurs, et alors il y a Fabrice qui nous dit Sega Rally, tu t'en as parlé, Jack qui était là avec nous lors de la dernière émission, Shining Force, voilà, tu valides. Ah, mort. Mais ce de. Le premier, je crois que les deux premiers, c'est sur Mega Drive. Mais je crois que j'ai refait chacun c'est du RPG, deux ou trois fois. C'est du tour par tour. Ouais. Ouais, c'est un peu bâtard comme format, mais c'est du MMORPG dans l'absolu. C'est du MMO du RPG, pardon. Et moi, enfin voilà, c'est mon truc. Ouais, sinon, il dit aussi Blazing Dragons. J'avais bien aimé aussi. Max nous dit Earthworm Jim 2. Et ça a fait rire beaucoup de monde, apparemment. Alex dit Legend of Thor, Story of Thor 2. Ah, c'est génial, ça. Le 1 était, bah, le 1 était sur Mega Drive aussi. Ouais. Et c'est vraiment, c'est encore un RPG, mais c'est génial. Et Raphaël nous dit Daytona USA, t'en as parlé tout à l'heure. Ouais, qui était, bon, voilà. Il était cool quand même. Il était, ouais, il était, ça qui va. Était le pendant de, c'est ce que j'ai répondu, ça, hein. Le pendant de Rage Racer, mais ouais. Pas pareil. Console hors de prix à l'époque quand même. Oui, 3500 francs. 3300 francs. Ouais. Ça fait. 1000 balles de plus que la Play quasiment. Je ouais, crois, 2000 balles la Play et 1000 balles la N64. Pour moi, la N64, moi je me rappelle à l'époque. 1000 balles ? Ouais, à l'époque. Elle arrivait super à la bourre aussi, quoi. Ouais, elle arrivait deux ans après la Saturn, du coup. Et ça a mieux sorti quand même, comme quoi Nintendo est quand même balèze. Ouais, ils savent y faire. Hein. D'ailleurs, la Switch est en rupture de stock, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais comment ça se fait que du coup, maintenant, c'est introuvable une Saturn en fait ? Enfin, introuvable. Parce que personne ne l'a acheté, donc. Ouais, on est d'accord, mais justement, si personne n'en a acheté, ils doivent en avoir un moment qui traîne en ça stock. Ça se trouve un peu, mais 150 balles quand même. Ouais, voilà, ouais, c'est quand même. Parce que genre, la dernière fois, j'ai acheté une vraie Super NES, pas la mini là. Ouais, comme tu dis ça, d'un air dédaigneux, quoi. Non, je l'ai payé 70 et elle marche. Voilà, elle fonctionne nickel. Mais la Saturn n'est pas des milliards de lieux de la Super NES niveau performance. Bah tout. Ouais, finalement, c'est que la Saturn, elle a pas tant. Elle aurait dû, mais finalement, elle l'est pas. Ouais, j'aurais du mal à juger en fait, quoi. Ouais. Mais ça, elle est pas à la hauteur de la Play 1, clairement. Non. Ouais. Justement, le problème à l'époque, c'est que la Play avec des jeux 3D de ouf. Il y avait la 3DO qui avait déjà débuté un petit peu la 3D un an avant la sortie, je pense. Il y avait Doom qui avait révolutionné le jeu vidéo en 3D en 94 sur PC. Ouais. Donc fallait s'y mettre, quoi. Il fallait s'y mettre avec des CD, ce que n'a pas fait la N64 derrière. Ouais, Nintendo toujours, ils s'en foutent, quoi. Ils font leur truc et c'est pour ça que je les aime. Parce qu'ils vont vraiment un peu à contre-courant des tendances et souvent ils marchent. Ce cri du cœur. Je les aime. I love Nintendo. I love Nintendo. Voilà. C'était pour conclure ta fin de phrase. Ok, de quoi on va parler ? On a encore un petit peu de temps peut-être pour parler de. Je tente de la musique qui ne vient pas du studio visiblement. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, ça doit venir de dehors. On va parler d'Injustice 2. Injustice 2 qui est sorti sur PC. Est-ce que vous connaissez Injustice ? Est-ce que vous y avez déjà joué ? Non, pas du tout. Ah bah toi ça va te plaire pour le coup. Injustice joué, c'est l'Injustice League en fait, l'inverse de la Justice League. Et c'est de là que ça vient, ouais. Je suis vraiment complètement arrivé. Ouais, c'est Injustice, ouais. Gods Among Us, donc les dieux sont parmi nous. Et en fait c'est un jeu de combat avec tous les personnages de la DC Comics, de la DC Universe. Donc le Injustice 2 est sorti il y a quelques jours sur PC, c'est donc l'adaptation d'un jeu qui était déjà sorti sur One et 360 en mai dernier, et dedans donc il y a une vingtaine de héros, il y a presque autant de méchants, il y a toute la Justice League, en plus en ce moment comme il y a la Justice League au cinéma, bah forcément ça marche bien, qui est horrible d'ailleurs, on pourra en reparler évidemment. Il y a tout le monde, il y a donc la Justice League, il y a Supergirl, il y a Green Lantern qui fait partie de la Justice League normalement, il y a Robin, que les meilleurs quoi. Ouais, voilà. Avec il y a Green Lantern, Robin, ils font pas rêver, quoi. Il y a l'Arrow Team, donc il y a Gorilla Grodd, Reverse Flash, Jay Garrick, c'est la Flash Team, pardon. Il y a l'Arrow Team aussi, il y a Firestorm, il y a Black Canary, il y a Captain Cold. Black Canary? Oui, Black Canary, c'est un canari noir qui peut, d'accord, qui crie chante, et. Qui peut chanter. Non, elle crie et du coup ça fait des ondes. Ça fait un peu penser, tu sais, au chevalier. Black Canary. Le chevalier de Zodiac, c'est le chevalier de la mouche, par exemple. Il y a pas assez, il y a pas assez d'oiseaux. Toi qui es fan de DC, tu ne connais pas ça. Non, mais je suis pas fan de DC, moi. Je sais pas. T'as toujours des t-shirts. Bah ouais, mais je suis pas fan de DC. Voilà, ok. Ah là. Et donc voilà, bien. Et alors, tu l'as démasqué, quoi, justement pour. J'en étais sûr. Jouer sur les super héros en plus. Alors que quand même. Démasqué. Hein, alors que quand même, il s'est fait la coupe de cheveux de Lex Luthor exprès. Le directeur du musée. L'univers DC Comics s'est pris une gabelle donc sur grand écran. Est-ce que avec Batman Arkham, avec Infinite, avec Lego Batman 3, qui est un excellent jeu aussi. Qui date un peu, mais c'est un excellent jeu. Est-ce que finalement DC ne devrait pas se concentrer que sur les jeux vidéo ou sur les bandes dessinées? C'est vrai que la série des Batman Arkham, ils sont quoi? C'est une tuerie. Ils sont géniaux. Ah oui, c'est un peu lassant au bout d'un moment, je trouve. Juste le dernier, pour le coup, où tu passes ton temps dans la Batmobile, est très très chiant. Ah, parce que c'était demandé. Depuis le premier jeu, tous les fans ont dit putain, pourquoi on peut pas jouer. Mais sinon, les jeux sont super poussés, donc ouais, peut-être. Mais c'est vrai que niveau film, ne serait-ce que quand tu dis qu'il y a Aquaman, Aquaman, il sent un peu le poisson. Le fromage corse, quoi. Il sent le Thor, surtout. Oui, comme ils l'ont mis au cinéma, le Thor, chez les Marvel. C'est-à-dire que le Justice League qu'ils ont fait au cinéma, là, t'as l'impression... C'est pour contrer le Thor Ragnarok ? C'est bah, pour contrer l'Avengers Infinity War, même. Ah oui, oui, ouais. Parce que tu sens que DC, normalement, c'est sombre, machin, on rigole pas trop. Et là, ils ont fait, comme ils ont fait d'ailleurs pour la Suicide Squad, c'est... action, action, action, action, blague. Action, action, action, blague. Tu vois, le truc typiquement, c'est le poncif du Marvel maintenant. Et encore heureux qu'ils ont un casting de dingue parce que sinon personne irait le voir quoi. Casting de dingue. Ah, pour Marvel. Oui. Ouais, parce que pour DC, il y a quatre inconnus. Black Canary, Aquaman et. Ça c'est dans le jeu. C'est Batman quoi. Batman. Alors il y a Batmeet. Je sais pas si tu connais Batmeet. C'est ouais, une mythe. C'est, oui, c'est oui. Une mythe et qui a la cape de Batman et le masque de Batman et qui accompagne Batman. Il y a un nain aussi, un nain Batman, Midget, je sais pas quoi. C'est un nain qui déguise en Batman. Par contre, chez Marvel, il y a Captain America avec H-A-M et un petit cochon. Je vous jure que c'est vrai. Et on pourra peut-être les débloquer dans le jeu. Pour la petite anecdote, ils étaient en train de tourner pendant que j'étais, ils étaient en train de tourner le Ant-Man, le Ant-Man 2. Le Ant-Man 2. Bah, San Francisco justement. Ant-Man et the Wasp, donc avec la guêpe. C'est possible. Mais justement, dans les rues de San Francisco, là. D'accord. Puisque tu étais à San Francisco, on le rappelle. Tout à fait. On ne le rappellera jamais assez, malheureusement. Ton téléphone est tombé dans une piscine et on n'a pas pu te contacter en direct il y a deux semaines. Voilà. Pour dire. C'est sur le tournage de Les Ch'tis à San Francisco, en fait. Les Ch'tis Amicolos. C'est pour ça qu'il s'est embrouillé avec Jason et ils sont tombés dans la piscine. Avec Jason. Oh là là. Il sort des noms, là, qui viennent. Ça fait trop ça, cette anecdote. C'est vraiment Les Ch'tis à San Francisco, quoi. Les Marseillais ou autre. Il nous reste juste 3 minutes. Je voulais aussi vous parler un truc sur Injustice. Non. Ok, bon, alors on va passer à la musique tout de suite. Non, c'est juste que Injustice machin 2, là, comme à peu près tous les jeux actuellement, t'as le jeu et ensuite t'as un DLC pour avoir le double de perso. Donc, jeu à 50€ sur PC. Je considère même pas ça comme un DLC quoi. Enfin, c'est... Une Ultimate Edition à 80€. Et si on veut le jeu Ultimate plus tous les packs de perso, on a un contenu qui fait quand même 121€ pour finalement avoir autant de personnages qu'un jeu comme moi je me rappelle. Par exemple, Budokai Tenkaichi 3, à l'époque c'était 120 persos avec tous les Dragon Ball. Mortal Kombat, SNK versus Capcom versus SNK, là aussi il y avait je sais plus combien de personnages. Finalement, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le DLC, ça commence à bien faire. Ouais. Ça se voit. DLC, quoi. C'est marrant parce que tu vois, eux, ils font ça, il leur arrive trop rien. Et y a, on va reparler, si on a le temps, de la polémique sur les microtransactions, qui est un peu différent. Du coup, les gens pètent un câble, et ils pètent pas un câble pour ça. Enfin, il y a toujours une grogne des joueurs, mais en même temps, comme le dit un mec, un truc que j'ai lu, quoi, c'est, je veux dire, si les gens n'achetaient pas, ils en feraient pas, quoi. Donc si oui, y a cette tendance, c'est, de la demande, oui. C'est qu'il y a de la demande, c'est que les gens achètent. Donc je sais plus, je crois que EA ils ont augmenté de 83% de leur profit sur les transactions en ligne. Mmh. Donc ils se disent allons-y, les gens achètent. Donc voilà, les gens arrêtent d'acheter. C'est pour ça que d'ailleurs l'argent a été saisi. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission justement sur ces problèmes de microtransactions, ce qu'on appelle les loot box et qui commencent à faire débat. Fin de la première partie, on va passer une petite musique tout de suite, et puis on va revenir juste après. N'hésitez pas à parler avec nous sur Facebook, Twitter, avec le hashtag GTFM, ou sur la page GameTrip.net officielle. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. What you think that I can be? I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You made me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my time, it came from. Your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did ever live down. till it broke up and it rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. C'était Bolivar, Imagine Dragons sur oh, BLE Radio. Bolivar. C'était sympa. Bah oui, c'était sympa, c'est Imagine Dragons qui est un des meilleurs groupes du monde. Voilà, Ben, on va passer tout de suite à la chronique avec un nouveau jingle parce que maintenant Ben veut réfléchir sur les jeux vidéo. Il a décidé il de changer. Voilà, court, il a décidé de changer. Il a décidé de rapporter une caution un peu culturelle. Hein, on peut le dire, une caution culturelle à cette émission. Fait, Jean Bolsart, on disait que bon Doom jeu par rapport à Doom. Ça c'est Jean Dormesson. Ça. Oui. D'ailleurs, nous allons sortir notre plus belle pipe et on va s'asseoir dans un fauteuil en velours avec un pyjama en satin et on va passer à la chronique de Ben tout de suite. L'instant France Culture avec Benjamin. Et c'est vraiment le jingle de France Culture en plus qu'on a pris. Quel okay, oui, beau oui, jingle, il m'a fait des beaux jingles, oui, oui. John, c'est cool. Après, je vais encore changer de concept dans deux semaines, ouais, tu vas refaire un, oui, un bah, jingle ça par, bien faire, par hein, émission. Voilà, donc il y a deux semaines, nous parlions du labyrinthe. Nous parlâmes du labyrinthe dans les jeux vidéo. Et donc, ça a donné envie de décliner ça avec un autre thème qui est l'enfer. L'enfer. Je l'ai dit ça de manière horrible. L'enfer, c'est les autres. Les jeux vidéo, les enfers, le diable, les démons et tout ça. Donc, c'est intéressant. J'ai fait comme pour les labyrinthes la dernière fois. C'est ça que j'ai commencé par faire des recherches sur l'enfer en lui-même, voilà, dans différentes religions et puis dans les arts également, puisque... Voilà, pour dire que ensuite pour enchaîner sur les jeux vidéo qui est une forme d'art. Tout à fait. Ça Mickey, c'est un peu l'idée de mes genres de chroniques, quoi, c'est de montrer que voilà, le jeu vidéo c'est un objet culturel à comme part entière. On peut le voir. Donc ce qui est intéressant, j'ai trouvé intéressant dans mes recherches, c'est que comme le jeu vidéo c'est un produit mondialisé, les jeux vidéo japonais fondateurs utilise une certaine représentation de l'enfer, même dans les jeux un peu mignons, genre Mario ou Zelda, t'as la lave, les donjons de Mario avec la lave, Bowser qui ressemble quand même beaucoup à un démon, ou Ganon dans Zelda qui est un cochon, donc le cochon c'est l'animal satanique avec le bouc, cochon, c'est un cochon Ganon, c'est un cochon, voilà, c'est pas un cochon. Mais si il a des grosses narines, bah, voilà, bah bravo, ah Michel Leb, bravo, mort de quoi. Et donc, ce qui est marrant, c'est que l'enfer, tel qu'on le voit dans les jeux vidéo, c'est l'enfer de l'Église catholique. Parce que quand tu fais un peu des recherches, tu te rends compte que dans le bouddhisme, c'est pas, voilà, c'est un état d'esprit, l'enfer, qu'un lieu. Dans le judaïsme, le Sheol, c'est un lieu aussi souterrain où résident les morts, mais il n'y a pas forcément de châtiment éternel et il n'y a pas de notion d'éternité. Dans l'islam, pareil. En plus, tu as différents niveaux d'enfer dans l'islam, avec certains, c'est provisoire, c'est un peu des CDD de l'enfer, tu vas ailleurs. Et dans le shintoïsme japonais, c'est un lieu de putréfaction des corps et pas de l'âme, qui, elle, a entamé ses cycles de réincarnation. Alors, par contre, l'Église catholique, ça y va, quoi. C'est vraiment le châtiment éternel, où des piles de cadavres et des lacs de sang, quoi. Et des flammes éternelles. C'est certain que ce soit. Et je suis pas sûr que c'était comme ça. La dernière fois que je suis passé, ils avaient fait des travaux. C'est la vision la plus radicale et la plus terrifiante des enfers. C'est celle de l'Église catholique, accentuée par l'art du Moyen-Âge, comme celui de Jérôme Bosch. Et c'est cool, c'est toi qui as fait cette église là ou... Ouais. Je crois que c'était celle de dehors. Ah, mais ouais, je crois que c'est l'extérieur. Ok. C'est juste Hell's Bells de ACDC. Bon, t'en retrouves partout, des diables, des démons qui sont les représentations absolues du mal. T'en retrouves dans plein de jeux vidéo. On va pas tous les citer non plus, mais voilà, c'est un ennemi qui est bien utile, quoi. C'est le mal absolu, etc. Et c'est donc cette vision occidentale qu'on retrouve le plus du temps. Parce que là, des représentations graphiques assez fortes quand même, c'est tout l'intérêt pour les scénaristes et les développeurs d'avoir cet univers là. Donc on ne compte plus les jeux vidéo où apparaissent diables et démons. J'en ai choisi quelques-uns qui font référence plus ou moins directe à l'enfer. Alors évidemment, j'en ai déjà parlé il y a deux semaines pour les labyrinthes, mais du coup ça tombe bien. Doom, c'est un labyrinthe, il y a des démons, démons à cornes, dans un scénario où un portail sur l'enfer s'ouvre sur Mars. Et on visite les enfers, on les visite pas trop à la fin des Doom, tu fais un petit passage en enfer, quoi. Sinon, t'es beaucoup dans la station spatiale et tout, donc c'était pas vraiment en enfer. La version du remake de 2016, où t'avais des possibilités, les possibilités graphiques avec le temps ont permis de rendre ça intéressant, et ça s'est développé parce que l'intérêt c'était d'être dans l'enfer, il faut que ce soit beau, qu'il y ait des flammes et tout. Alors en 1975, bon, c'était compliqué, quoi, faire un truc un peu crédible, un peu effrayant. Diablo, évidemment, ça se passe pas en enfer, mais les démons, les donjons souterrains, Rapproches de plus en plus en fait de l'enfer. Enfin, dans le 1 en particulier, tu descends dans des Diablo. Niveaux. Ouais, tu parlais du christianisme, mais en fait, tu démarres dans la chapelle au début. Mm-hmm. Et je crois qu'en tout, t'as 16 niveaux. Tu descends 16 niveaux. Et les 5 premiers, c'est la chapelle ou cathédrale, je sais plus. Et après, t'arrives dans les espèces genre des entrailles de la terre. Et ensuite, t'arrives en enfer, en fait. Mm-hmm. D'accord, merci, parce que je ne savais pas que t'étais. J'ai une autre anecdote après, mais sur autre chose. Ok, vas-y, n'hésite pas. Tu combats les démons réels. Alors, le démon qui s'appelle Diablo, c'est le diable, quoi. Bon. Baal ou Asmodée, c'est des vrais démons de la mythologie. Et Mephisto aussi. Et Mephisto aussi, d'accord. Ah oui, et comment il va, ça, il te plaît la fois? Imhotep, ok. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ouais, celui-là, il est marrant parce que un jeu qui s'appelle Dance Inferno, qui est sorti en 2010, qui est un beat'em all. Génial. Qui est sur le système de jeu de God of War. Voilà, donc bien bourrin, quoi. Hein. Et c'est marrant parce que Dante Inferno, ça fait référence à la Divine Comédie de Dante Alighieri, poète italien du XIIIe siècle. Alors, dans la Divine Comédie, c'est un poète qui visite les enfers, le purgatoire et le paradis. Et là, c'est pas un poète, quoi. Clairement, c'est un gros guerrier bien bourrin qui traverse les enfers pour sauver Béatrice, qui est un personnage de la Divine Comédie de Dante. France Culture, il est 11h37. Voilà, je l'ai fait. C'est pas du tout. Voilà, il est réutilisé, ce personnage. Mais c'est marrant d'avoir une adaptation en jeu vidéo de la Divine Comédie. Quoi. Bah oui, c'est marrant. C'est pas marrant. Mais c'est plus adaptable. Dans Dante, du coup, je sais pas si t'as joué, mais tu peux décider en fait d'être vraiment bourrin, en fait, de sauver les âmes que tu rencontres, ou alors de les ou de les punir ou de les punir, ouais, voilà, ou de leur donner la solution, en gros, un truc comme ça. Bah, c'est un des éléments qui rend ça intéressant. J'ai pas joué, mais j'ai étudié un peu le truc et tu. Mis à part l'univers qui est visuellement assez percutant, tu visites les 9 cercles des enfers qui sont donc tels que décrits dans la comédie de Dante. Le livre donnera naissance à l'adjectif dantesque, hein, pour voilà, décrit justement, je disais, des piles de cordes, des lacs de sang et tout ça. C'est dans la Divine Comédie. La notion de rédemption aussi du livre est respectée puisque le joueur mène son aventure dans le but d'absoudre ses propres péchés, et il a aussi le choix à la fin d'absoudre ou de punir ses ennemis. Et c'est ok, donc il faut que je finisse, il faut que je conclue. Donc voilà. Parle du développement L. Ah ouais, le développement L. Ouais, ça c'est une expression qui est pas que dans les jeux vidéo, mais leur faire du développement, parce qu'il y a un jeu met des années à se développer pour des problèmes de production divers. On pense à Dungeon Keeper 3 par exemple, dont le premier Dungeon Keeper d'ailleurs de Bullfrog se passe dans un donjon, c'est un truc de gestion de donjon pareil, c'est où t'as des démons et tout, c'est génial. Et je crois que le premier aussi, il a mis du temps à sortir, il était tellement beau. Mais le 3 existe le 3 je crois. Le 2, c'est sûr que oui, le 3, alors, il y en a un Development L, ça peut durer des années, et puis le jeu peut aussi ne pas sortir. Ce qu'on appelle un Vaporware. Un Vaporware, voilà, ouais. C'est joli, c'était un jeu bien. Ou un Mourware. Un Mourware. Non, il y a eu, DNF, par exemple. Un Mornéware. Alors, c'est quoi, ça, Duke Nukem Forever. Ouais, Duke Nukem Forever. Qui a attendu des années. Très longtemps. On pensait vraiment même que le développement avait été abandonné. Finalement, non. Et puis, le jeu, tu trouves à 1€ sur les brocantes, quoi, machin. Et souvent, de cet enfer-là, on ne ressort point indemne, puisque les jeux qui sortent, en général, au bout de grosses périodes de development, bah ils sont en retard, ils sont dépassés, ouais. On peut citer aussi d'autres. T'avais vu d'autres jeux comme ça en développement L. Bon, Stalker, Earth of Darkness de John Keeper 3. C'est marrant parce que c'est des jeux qui ont un peu le thème comme des enfers ou des qui est bien en fait. C'est un peu dégueulasse. Il y a une sorte de malédiction sur eux. J'ai commencé à lire des petits trucs aussi sur l'Église qui condamnait les jeux vidéo un peu satanistes et tout. Je suis surtout tombé sur des sites de gros tarés sectaires à fond. T'as vidé ton historique après ou... Non, même pas. Non. Et où il te disait que voilà que Satan dans les jeux vidéo etc trucs de conneries comme ça que vous avez surtout souvent tous entendu joueurs qui nous écoutaient et puis l'actu enfin je voulais pas attendre jusqu'au mois de mars. Il y a Agony qui sort le 30 mars 2018 ah t'avais déjà parlé de ça non développé par Mad Mind Studio. Non, j'avais parlé de d'un autre jeu qui se passe dans un univers complètement dégueulasse, mais c'est pas censé être les enfers. Là, t'es vraiment un démon qui essaye de sortir des enfers, et on croise dans Agony des martyrs qu'on peut torturer, arracher les cœurs, jeter dans des flammes et tout. Et il est hyper beau, hyper comment je cherche l'adjectif quoi, dantesque. Dantesque. Et voilà. Donc pour conclure, ben on voit que le jeu, donc je dis que le jeu vidéo c'est un objet culturel, on dit c'est un objet pop surtout parce que il recycle des codes et puis il fait plein de références à des arts dits classiques, bah voilà, comme la littérature avec Dante's Inferno ou plein de petites références comme ça dans les religions, etc. Mais finalement, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas que la pop culture qui fait ça. Peut-être que Dante Alighieri, quand il a créé Divine Comédie, il a aussi pompé. Bah, déjà, il parle un peu de la Bible aussi, donc voilà. Et. Voilà, il faut qu'on pense au jeu vidéo comme vraiment un art à part entière finalement, et qui fait plein de références culturelles comme ça, et c'est ça qui me passionne et qui me fascine, et je reviendrai avec plaisir avec ma pipe vous en parler dans la semaine à venir. BLE Radio, BLE, votre radio de proximité. Merci Ben pour cette chronique France Culture, qu'on a appelé ça comme ça maintenant. Ça va bien avec, non? Et d'ailleurs, ça continue. Il y a des cris d'enfants derrière sur ma parler, c'est ma chronique ma chronique sur les enfers, et des cris d'enfants derrière, c'est cool. C'est bien, ça fait vraiment très dantesque. On va parler un petit peu de l'actu avec une autre série de petites news qu'on va débattre ensemble. Ce qui ne veut rien dire. Je ne parle pas français. Je suis malade et je vous. Alors, on va parler de la HTC Vive Focus qui est sortie. HTC Vive, c'est un casque en réalité virtuelle, la VR comme on dit maintenant, et c'est un casque en autonomie. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de brancher les casques sur sa console ou sur son PC avec des câbles, et après on peut pas bouger parce que on tire sur les câbles, et si on tire trop fort la tour. C'est embêtant. Et du coup, concrètement, c'est le premier casque VR qui n'a pas besoin de PC pour fonctionner, en dehors des casques genre PlayStation VR, mais ils ont besoin d'une console, hein, finalement. Ah merde. Ah bah oui, forcément, sinon ça ne marche pas. Il n'y a pas de câble ni de capteur externe non plus, il n'y a rien du tout. Ça marche avec un écran AMOLED, sans doute avec la meilleure configuration qui existe, donc à peu près celle de la... Comme les clés. Hein ? Les clés AMOLED. Les clés AMOLED. Voilà. Donc sinon, il y a bonne aussi... réponse, Monsieur Troupeau de Rennes. voilà. Donc sinon, ouais, il y a plein de trucs bien dedans dans ce nouveau casque HTC Vive. Et on va parler un petit peu des casques VR parce qu'il y a l'HTC Vive, il y a l'Acer VR, il y a l'Oculus qui casse les prix en ce moment. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le PSVR qui a annoncé aussi. L'Oculus a annoncé l'Oculus Go. PSVR, c'est comme le gobelin vert mais avec un. Presque. Fais-moi un coup de batterie, s'il te plaît. Il y a des pubs en ce moment. Merci. Il y a des pubs en ce moment où ils disent le PSVR, et je me dis que les gens vont sans doute jamais trouver, parce qu'aller sur le site Sony, aller sur le site PlayStation et aller sur la rubrique PSVR, et ils le disent comme ça dans les pubs, et je pense qu'il y a la moitié des gens qui n'ont jamais trouvé ce PSVR. Ils doivent taper n'importe quoi sur VI2LAR. Donc voilà, HTC Vive, Acer, Oculus, Asus qui sort aussi un Asus VR avec Windows. C'est un casque. Alors c'est un Asus MR par contre, Mixed Reality. Qui est un moins cher, qui sera à 450€ avec les mêmes spécifications qu'un Oculus par exemple. Et puis, l'Oculus qui a annoncé aussi cette semaine l'Oculus Go, qui est en autonomie aussi, donc c'est-à-dire sans se brancher ni rien, 199€ seulement. Voilà, plein de casques en réalité virtuelle, ça y est. Moi, ce que je me demande surtout, c'est ok, il y a des jeux qui sont enfin, est-ce qu'il y a un tel pool de jeux qui fait que c'est intéressant vraiment d'avoir Ouais, voilà, c'est comme les télé 4K. Ouais. Qu'est-ce qui est diffusé en 4K et qu'est-ce qui est utilisé en 4K à fond, enfin, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas un c'est pas qu'une absence de jeu, mais c'est qu'en plus. Il y a pas de demande, en plus. Faut démarrer, il faut bien commencer quelque part. Ah non, mais on est bien d'accord. Mais après, de toute façon, ils ont bien raison s'ils trouvent des gens qui achètent, comme on disait. Ça. Et surtout ça, que maintenant les prix baissent. Hein. Pour le coup, je te dis, l'Oculus Pro, Go. Black Friday. L'Oculus Go, là, c'est $200. Non mais on est d'accord, le prix est pas excessif, mais après en fait le truc c'est que il se rattrape sur les jeux, parce que les jeux plus les DLC plus machin plus oui, machin. Bon. Au final, ça marche sur PC aussi. D'un point de vue intérêt des jeux vidéo qu'il y a dessus, quoi. Après, il faut les supports pour que les mecs puissent développer des trucs intéressants derrière. Mais c'est vrai que ça reste des titres que tu finis en 45 minutes là. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup. T'as l'impression que c'est des démos, mais en fait c'est des jeux. Ouais. Oui, c'est des jeux. Bah moi j'ai sur la Play, c'est de la luge, c'est ou des screamers, des trucs à la Resident Evil où tu marches juste dans mais effectivement, c'est prenant, mais c'est bidon pour un vrai joueur qui a envie de vraiment de jouer, c'est bidon quoi. C'est plus un gadget qu'un jeu actuellement, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Clairement. C'est vrai. Après tu peux pas, le problème c'est physiquement, si tu peux pas jouer à un truc en 3D, t'as la gerbe quoi. Si tu joues 25 heures un jeu tu fais il y a Skyrim quand même, Skyrim vert, ouais. Putain Skyrim, tu joues ça, après avoir c'est un jeu, faut jouer deux heures minimum pour je sais pas parce que t'imagines l'open world de Skyrim, tu vois la taille de l'open world. Ah bah oui, de je vois bien, ouais, ouais. Il faudrait mettre tout ça en VR. Je sais pas comment faire du cardio pour les mecs qui jouent. Putain, ouais. Ceux qui jouent et qui doivent être vraiment debout avec les capteurs, oui. Avec le cheval, il faut qu'ils s'achètent un cheval et tout. C'est compliqué. Non mais moi je trouve ça. Le horse rift, ils vont sortir. Je trouve ça un petit peu hallucinant d'avoir une map, un jeu vraiment à la Resident Evil ou un truc comme ça où t'es enfermé dans une maison où il y avait par exemple le trailer de ça de Hit au cinéma qui est où t'étais en VR, où t'étais dedans, t'étais dans la maison, t'étais dans la rue, t'avais le je sais plus comment il s'appelle, le clown là qui sort de l'égout, qui te chope dedans, après tu faisais un petit chemin dans les égouts, voilà, ça durait un quart d'heure, 20 minutes et c'est un huis clos. Après un truc genre à la Skyrim, je ne vois pas comment tu peux faire un Skyrim en VR à moins de scripter, ce qui ne serait plus du Skyrim du coup, de scripter complètement ton chemin et d'avoir que ce chemin là qui soit en VR. Et après, si tu sors un petit peu du chemin, tu retombes en fait juste sur de la 4K à 1 cm de tes yeux. Ou alors déjà le jeu... Ça va être un peu ça, je pense, peut-être. Ou alors certains éléments seulement en 3D, mais pas tout. Ouais, quoi. Je vois pas. Et le jeu va faire une taille... alors, je dis pas que tout le monde va le télécharger, mais ça ferait une taille de... Gigantesque. Enfin, ouais, déjà là, les jeux font 60 gigas, un truc comme ça, alors là, ça serait n'importe quoi. Bon, après, voilà, peut-être sur PS, c'est un problème, mais quand t'es sur Steam, par exemple, Steam qui télécharge à mort, enfin, toute la journée, tu vois. Et puis finalement tes jeux, tu vois, moi j'ai un Arkham, j'ai l'Arkham Asylum, pour 2 € de plus j'avais l'Arkham VR, et j'avais l'impression que c'était, bah tu vois, je pensais que c'était le même jeu, mais en fait c'était pas le même jeu, c'était juste un espèce de Telltale comme ça, non? Non, c'est vraiment c'est l'Arkham Asylum, donc c'est vraiment celui de baston de Batman, hein, le bon quoi, la bonne série, la nouvelle série de la trilogie, mais le VR il est plus c'est pas une démo, mais c'est certains passages, et puis c'est pas tout le jeu, tu vois. Ils vont pas refaire exactement les mêmes jeux à chaque fois. Parce que les Arkham, toute la série là, c'est 40 heures de jeu. Ouais, voilà, t'as 40 heures de jeu. Donc, ça viendra, quoi, je pense. Mais après, le truc à savoir, c'est. Les jeux seront peut-être. Dans quelques années, ça va se développer, mais physiquement, est-ce que humainement, c'est agréable de jouer longtemps à un jeu vidéo? Parce que pour moi, un jeu vidéo, ça se joue longtemps. T'as des gens, ils aiment bien jouer une demi-heure, quoi, aussi. Pourquoi pas, ouais. Moi, pour le coup, avec Computer Games France, donc le site qu'on avait avant Game Trip, on avait été tester l'Oculus Rift DK3 avant qu'il sorte. Donc c'était un test behind closed door, comme on appelle. Donc c'est-à-dire il y avait 6 sites en France qui avaient le droit d'y jouer. On avait fait partie de ces 6 sites et on avait joué en pièce blanche. Donc c'est-à-dire on était enfermé dans une pièce avec le casque sur la tête. Il y avait les capteurs tout autour de nous, donc ça permettait aussi de voir par où on regardait, etc. On n'est pas obligé d'avoir ça, hein, pour jouer à l'Oculus Rift, on peut aussi rester chez soi. Une pièce blanche avec des capteurs partout. Mais nous on l'avait testé comme ça, donc vraiment dans les conditions, pour le coup, je n'avais jamais ressenti de gerbe. Pour le coup, hein. Bon, on a joué une demi-heure, trois quarts d'heure quand même. Une demi-heure chacun. J'avais pas senti de gerbe. Après, de jouer à l'Oculus Rift avec assis dans un fauteuil, avec un pédalier, avec un volant et le jeu Cars, Project Cars qui était sorti, pour le coup, ça, je n'ai pas pu jouer 30 secondes. Parce que ton cerveau n'arrive pas à comprendre. T'avais vraiment les vraies sensations. T'avais le volant dans les mains, t'avais le pédalier et t'es assis dans ton fauteuil, donc tu n'as pas le recul quand tu accélères. Ouais, sauf que quand tu accélères, tu vois vraiment l'accélération dans tes yeux. Et ton cerveau a un moment de doute où il comprend pas. Voilà. Et j'en ai discuté avec quelqu'un ce week-end. On m'a dit que soit c'est que le jeu est mal fait. C'est-à-dire que si t'étais vraiment complètement dans l'ambiance. Ils sont en train de bosser sur ce côté gerbe. Et je me demande est-ce que avec les Oculus Ear, maintenant il y a des bouchons que tu mets dans les oreilles qui te permettent d'écouter. C'est des mini casques. Est-ce que ça te permet pas peut-être ça trompe l'oreille interne et finalement. Finalement, le gadget va peut-être devenir un vrai jeu quand tu auras plus le côté gerbotron sur les trucs. Mais après, est-ce qu'on va réussir à distinguer la réalité du jeu, quoi? Ouais, bah ça, c'est la question. On va tous être dans une matrice finalement. Est-ce qu'on n'y est pas déjà tous? Existence. La série Black Mirror, là, que je vous conseille, a fait un super épisode de sa dernière saison sur la réalité virtuelle. Mais spoil pas là. Qui est hyper angoissant. Tu dis que tu conseilles, mais tu dis non, tout. Non, je dis juste un épisode sur la réalité virtuelle et quand on connaît la série. On sait que ça fait flipper. Ouais. Nom de Dieu. Voilà, c'était une petite parenthèse culturelle. Eh ben merci pour cette parenthèse culturelle. Donc acheter ces Vive Focus, vous n'allez pas l'acheter, hein? Non, personnellement, voilà. Mais moi, je joue au jeu de cartes alors. Okay. Un jour peut-être, ça sert à rien de dire ça, mais peut-être plus tard. Ou j'avais bien raison. Non, ça a l'air cool. Moi, j'ai envie de piloter un X-Wing dans Star Wars. Sur la mini Super NES, ouais. Avec le casque Oculus VR sur la mini. Ouais, c'était. Nom de Dieu. Incroyable. Sur le VR, quoi. T'as un épisode Battlefront, je crois. Mais là, par Gerbotron aussi, je pense. Ouais, là, t'es dans l'espace. T'as plus qu'une notion déjà de. Ah, c'est pas Star Fox 2, hein, c'est sûr que. Ah ouais, si tu dois faire un barrel roll avec ton casque sur la tête. Il faut le faire en vrai. D'accord. Il faut que tu tombes sur toi-même. Là, il faut que tu te jettes. Ok, bon. Et ben, en parlant de Star Wars. Voilà. On va parler. Ils sont placés n'importe comment, ces virgules. Non, c'est pour séparer les débats. Sinon, on ne comprend rien. Regardez mes petits papiers que je tapote, ça fait très beau. Ça ne s'entend pas du tout, c'est ça qui est bien. On va parler donc de Star Wars, comme disent les mamans. Battle le front 2. Un beau bordel pendant deux semaines, on peut le dire. On rappelle, hein, Battlefront 2, donc jeu Star Wars, c'est un pay to win. Donc il y a des loot box, c'est-à-dire il a raison de pleurer le petit enfant parce que la raison. Et il faut en parler. Il faut les loot box. Les utilisateurs ont sorti les fourches. Hein, ça a été sur Reddit, hein, c'est ça. Ça a été un foin pas possible. Et du coup Dice. On les entend d'ailleurs derrière les utilisateurs. Dice et Electronic Arts ont finalement cédé sous la pression. Ils ont renoncé aux loot box. Et donc moi j'ai appris un peu plus tard qu'en fait c'est Mickey qui a racheté Disney. Mickey Rourke. Non mais voilà, Disney a racheté donc tout le machin. Et c'est Disney qui n'est pas content. Qui a fait pression pour dire les gars, on a un Star Wars qui sort en fin d'année, vous avez pas c'est ça. Une polémique. La licence risquait d'être tachée et c'était pas très souillé par cette polémique. Par ces gens. Tout va bien au pays de Mickey. Et donc Lucasfilm, la semaine dernière, il y a quelques jours, Lucasfilm a réagi. Donc Lucasfilm, George Lucas, l'original, la Star Wars original. Qui appartient aussi à Disney. Lucasfilm a réagi en soutenant cette décision, en disant, alors il y a un responsable de Lucasfilm qui a dit, Star Wars a toujours été proche des fans, que ce soit pour Battlefront ou n'importe quelle autre expérience Star Wars. Ils sont la priorité. C'est pourquoi nous soutenons la décision d'EA de retirer temporairement les achats en jeu en réponse aux inquiétudes des fans. Quel faux cul quand même, parce que c'est pour ça que les fans aussi sont gueulés, parce qu'il y a eu un petit communiqué la première fois en disant Star Wars peut vous offrir une expérience de jeu excitante, donc en échange de 40 euros. Voilà, donc il faut parce qu'en fait tu peux jouer pour avoir des crédits, pour acheter des héros, Dark Vador, etc., pour jouer à Battlefront, qui est une espèce de le type de jeu, quoi. C'est un FPS multi, quoi. TPS sur personne. Tu peux jouer, t'es pas obligé de débourser 2100 $ qui sont nécessaires pour avoir l'intégralité du contenu de jeu. Mmh. Ou tu peux jouer, mais on estimait qu'il faut jouer plus de 4500 $ pour tout avoir. Ouais. Donc bon, ça commence à bien faire. C'est la polémique habituelle sur microtransactions. Bon, là c'est spécifique, quoi. Après, on parlait des DLC et tout, qui ça fait chier, quoi, de devoir payer pour avoir du contenu. Mais comme on disait, ça marche, les gens achètent. Donc, non, mais même en microtransactions, par exemple, le FUT de FIFA, voilà, t'es obligé d'acheter des joueurs pour jouer en ligne. C'est pareil, c'est le même principe. C'est aussi comme t'achètes des boosters de cartes. Alors le truc, c'est que les loot box, c'est ça. C'est ça. T'achètes pas pour l'esthétique. Tu mets pas 50 € pour avoir Dark Vador, c'est que tu vas acheter une boîte. Et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Oui. Et d'ailleurs, la justice belge est en train de réfléchir parce que pour eux, ça s'apparente à du jeu de hasard. oui. jeu d'argent. Les gens payent pour avoir des contenus dont ils ne savent pas ce que c'est. Pas que la justice belge, d'ailleurs, l'UFC Que Choisir a saisi, là, il y a deux jours. Je ne savais pas, oui, d'accord. L'autorité. Je crois que tu parlais de l'ultime. Non, pas du MMA. Ils ont saisi l'autorité de régulation des jeux, l'ARJEL, l'autorisation de régulation des jeux de hasard, là. Et ils ont saisi le truc pour demander à statuer, parce qu'ils considèrent aussi que, comme c'est aléatoire, tout ça, c'est du jeu de hasard, et donc l'ARJEL doit statuer là-dessus. Il y avait ça dans Borderlands 2 aussi. Mais c'était pas du jeu. Tu mets pas du blé. Et y a dans plein de jeux, mais tu les achetais pas avec des sous. Oui. En Chine aussi, ça c'est déjà statué chez eux. Bon, après, en Chine, ils rigolent zéro. Au Japon et en Corée du Sud aussi. Ouais. Et du coup, alors je reparle encore de Blizzard, hein, désolé. Mais Blizzard, par exemple, c'est adapté. Du coup, au lieu de vendre des boosters avec autant d'aléatoires dedans, en Chine, ils ont des serveurs et une communication spéciale pour eux. Ils ont des trucs tout sûrs en fait dedans déjà d'office et ensuite après il y a une partie aléatoire. En gros t'as deux trucs sûrs et puis voilà, après t'es toujours sûr. Ouais, d'accord, ils font souvent ça. Ouais, enfin voilà, après c'est pas la solution. Tu t'adaptes à ta clientèle aussi. Moi je pense que ce serait la solution si l'ARJEL doit vraiment statuer. Donc EA l'a suspendu les microtransactions, mais c'est provisoire, ça va revenir. Ils disent qu'ils vont bosser pour que en gros ce soit moins cher, qu'il faille jouer moins longtemps pour gagner les crédits pour acheter des héros, des armes et tout, et puis que c'est mieux équilibré, pas que tu te retrouves avec un mec qui va lâcher plein de sous et puis qui va éclater. Mmh. Oui, c'est ça le problème. Mais ça va revenir quand même. C'est un modèle. Cette forme-là, quoi. Peut-être plus équilibré, ça va être difficile de juger puisqu'on n'a pas vu comment ça s'est passé. Donc ils vont dire, ah ça y est, on a revu le truc à la baisse. Ouais, il faut voir. Mais c'est un peu le modèle de jeu maintenant, c'est le game as a service. Donc c'est le modèle économique des jeux maintenant, c'est-à-dire qu'on considère le jeu vidéo comme un service. C'est le nouveau modèle, ça s'appelle vraiment comme ça. Et voilà, tu disais tout à l'heure, hein, là il y a plus de 20% du chiffre d'affaires d'Ubisoft qui vient des lootbox, enfin en tout cas des microtransactions. Ça fait partie du chiffre d'affaires des sociétés maintenant. Il faut leur proposer une solution parce qu'ils vont pas dire oui, les gars. S'ils ont 20% de leur pognon, ça veut dire que les gens achètent, donc ça veut dire que les gens aiment. Voilà. Ou alors ils aiment, ou alors ils sont pris comme dans une espèce de jeu d'argent où tu joues plus parce que t'aimes, tu joues parce que t'es pris tellement dans le truc que tu vas mettre des sous, quoi. D'où l'autorité de régulation qui a été saisie pour savoir si c'est un jeu d'argent et de hasard. Les jeux vidéo rendent fous, mesdames et messieurs. Ah, ça y est. N'achetez pas ça à vos enfants, ils vont être accro démons de l'argent. Non, mais c'est vrai, tu lâches plein de sous. Après, si ça marche, ça va continuer. Et puis, les gens, faut qu'ils arrêtent d'acheter. C'est que ça devient, le jeu vidéo devient une distraction, comme je dis n'importe quoi. Au lieu d'aller, je sais pas, t'en as qui vont aller au cinéma, t'en as qui vont aller voir un match de foot. Perso, je parle juste pour moi, mais je préfère mettre 20€ dans un DLC ou je ne sais quoi, plutôt qu'aller voir un match de foot ou de hand. On va te pousser à acheter le maillot officiel de Neymar à 100€, ouais, voilà, les chars. Après, c'est juste chacun ses priorités, en fait. C'est pour être, avoir un statut dans le jeu. Il y a des mecs qui kiffent, quoi, de jouer avec des super persos magnifiques. Faut bien voir la différence entre les lootbox, enfin pas les lootbox, ou les microtransactions ou les DLC, peu importe, qui te permettent juste d'avoir de l'esthétique. Oui, voilà. Ça, on et ceux qui te permettent d'être meilleur que les autres. C'est là, ça, plus, la polémique, c'est surtout ça, c'est que t'es obligé de mettre de l'argent pour pouvoir gagner dans le jeu, ce qui est totalement injuste. On est d'accord. Ouais. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est vraiment pay to win, ou est-ce que c'est pay genre, ou est-ce que c'est pour aller plus vite? C'est ça la vraie question. Parce que si au final tu peux avoir tout le contenu endgame en jouant juste plus que les autres. Bah, il a dit héros. Combien d'heures là c'est effectivement démesuré, 4500 heures. Et c'est aussi débile en fait de mettre des persos. 40 aussi, heures pour Dark Vador ou 60. Avec un delta aussi grand, quoi. Oh mais attends, 40 heures pour avoir Dark Vador, mais un jeu, ça joue 40 heures. 40 heures, tu vois, mais un jeu comme Fallout, en prenant bien le temps, tu joues une centaine d'heures, même plus, quoi. Oui. Donc 40 heures sur un jeu comme Battlefront, juste pour avoir un perso. C'est vrai que Battlefront, c'est pas un Skyrim. J'avoue, franchement, ça me choque pas plus que ça, mais parce que 40 heures, moi, je l'ai fait tranquille. 40 heures ou 60 heures. Moi, je l'ai fait 40, 60 heures, je l'ai fait sur un Batman Arkham, sur un Skyrim ou sur un Fallout. Ouais. Mais après, sur un jeu de baston. Il y a une campagne solo dans Les FPS en ligne, c'est super chronophage quand même. Donc, je crois qu'il y a une campagne solo. J'imagine. Oui, mais elle doit être courte. Ouais. Enfin. Oui, c'est pas le point fort du truc. Et dans sa réponse, du coup, jeudi, j'ai regardé, l'ARJEL a dit être préoccupé par des risques très proches de ceux qui caractérisent l'addiction aux jeux d'argent. Fin de citation. Voilà. Donc, sans doute que statu quo jusqu'à. Statueront d'ici 10 ans, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ou alors, on fera un espèce comme la Dopi, on va créer une nouvelle auto-autorité de machin bidule. Qui va. Vidéo, et puis ça va rien faire. Faire du tout. Ouais. Exactement. Donc voilà, on verra ça dans 15 ans, peut-être, si on est encore là. Rapidement, il nous reste une minute pour parler de la série Hitman en chantier. Deux films. Vas-y. Deux films maintenant, la série télé, on a annoncé donc le retour de Hitman en format série, ce sera créé par la Fox. Et ils m'ont contacté pour le rôle en plus. Exactement, Timothy Olyphant, Rupert Friend, qui sera le prochain? C'est moi. Ouais. Moi, je dirais Mark Strong. Je sais même pas qui Mark Strong, c'est un acteur Kingsman. De... Sinestro dans Green Lantern. C'est un acteur de film de film. Ah là là, c'est truc ça, hein. Mark Strong. Bon, les infos qu'on a eues. Les infos qu'on a eues. Mark Wood. Super connu, Mark Strong. Putain. Mark Wood. Les infos qu'on a eues, c'est que le producteur exécutif et le scénariste, c'est ceux des deux films. Moi, je dis juste ça, je pose ça là. Vous... D'accord. Bah, après, les films, ouais. Les films étaient pas dégueu. Ils étaient bien, justement, d'en parler. Réécoutez notre podcast. Cinéma, numéro 6. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Voilà, on avait parlé d'Hitman avec la petite larme. Ouais, ils sont cool, les Hitman. Ouais, ça va bien. Et d'ailleurs, si je peux juste rajouter un tout petit truc, c'est qu'en théorie, ils vont faire aussi une série et un film aussi sur The Witcher. Pour les The Witcher. Bah oui. C'est pareil, si ça rend bien, ça peut être vraiment, vraiment génial. Pour le coup, oui. Ça se trouve, on va arriver. Il y aura beaucoup de CGI dedans, je pense. Là, on est sur des adaptations de l'univers Marvel à fond en série. Est-ce que ça va être pareil avec les jeux vidéo tantôt ? Il y a matière. Il y a matière à débattre. Moins que Marvel où il y a 7000 héros. Quoi. Et on en débattra justement sans doute dans les prochaines émissions. Dans quelques instants, Calvin Harris, Acceptable in the 80s. Et puis on revient juste après pour la chronique musique et puis pour parler du live report de Live de report Jérém. En décalé. Live report en différé, en léger différé. Et on se retrouve tout de suite après. BLE Radio. BLE. En attendant, BLE, il est 12h tout pile. On se retrouve juste après. Plus proche des Lorrains, BLE Radio. We'll be right back. BLE Radio. BLE. Votre radio de proximité. La chronique musique. La chronique musique. Avec John. Elle ne fait pas du tout peur, cette jingle de Superman Returns, quoi. Tu t'es fait plaisir. Elle fait surtout pas peur, du coup, ce Mario un peu sous acide. Voilà. Donc la chronique musique, comme toutes les deux semaines, et là je suis en train évidemment de chercher ma chronique musique puisque je ne la trouve plus. Là par contre on est d'accord que c'est les vraies cloches en fait. Ça c'est les vraies cloches, c'est pas un effet sonore. Écoutons un peu avec les cloches. Moi je vais vous faire écouter une autre musique plutôt que cette musique de cloche, enfin cette cloche tout simplement. Je vais vous faire écouter cette musique et je vais vous demander de me dire à quoi ça vous fait penser. Quelles sont les images qui arrivent en tête instinctivement quand vous entendez ça? Un bâton de pluie. Un lac. Un aigle, tu sais, un aigle qui vole comme ça. Des gens en pagne qui dansent. Ouais. Des gens. Pocahontas. Voilà. Eh ben, non. Mais oui, mais moi aussi, je vois des peuples africains qui dansent en rond autour d'un feu. Voilà, une musique un peu épique, tout ça. En sachant que le jeu duquel ça provient, ça te procure encore plus cette sensation Doom. Non, c'est pas ça. C'est la musique titre de Civilization 4. C'est pas un jeu Audi, pour une fois, il date de 2005, mais il a marqué tout de même une partie de génération, car Civilization, déjà, c'est le jeu emblème du stratégie tour par tour, du 4X, comme on appelle ça, exploration, expand, je sais plus. Ouais, de Sid Meier. Successeur de Edge of Empires ou concurrent? Concurrent en plus, plutôt concurrent. Voilà, mais c'est un peu dans le même genre, et Civ 4, donc c'est le meilleur encore à ce jour jeu de cette série. Et ce qu'on entend là, c'est Baba Yetu. Baba, ça veut dire père, en Swahili. S'il te plaît, un peu. En Swahili, donc c'est la langue bantoue d'Afrique de l'Est, le Kenya, le Congo, le Rwanda, tout ça. France culture. Voilà, et donc ça se dit Baba Yetu. Baba, ça veut dire papa, et Baba Yetu, ça veut dire notre père. Et en fait, c'est la traduction quasi littérale de notre père, donc la prière religieuse qu'on connaît tous. Et donc ce titre-là, c'est un des sons qu'on entend le plus dans le jeu, et c'est celui qui a été utilisé aussi sur le trailer ou encore dans l'intro en vidéo du jeu quand on allume ce jeu. On y voit des civilisations se construire depuis la nuit des temps, les pyramides se monter, les tribus africaines, jusqu'à les hommes qui vont dans l'espace et tout ça. Ah ok, ouais, ça oui, c'est d'accord. Ouais, on voit les peuplades se former. C'est une musique qui colle parfaitement à ce qu'elle veut dégager, je trouve. Il y a plusieurs chants, il y a de la percussion, tu l'as dit, il y a le bâton de pluie, il y a les marimbas, il y a plein de petits trucs comme ça, le tam-tam derrière. Le chant qui fait un peu penser aussi un peu un truc Le Roi Lion, voilà. Ouais, carrément, ouais. C'est l'histoire de la chorale. Ouais, c'est la chorale de femmes derrière, le chant qui, chant puissant du chanteur, tu vois. Faut savoir que c'est chanté par la Soweto Gospel Choir. On dit choir, je crois, on dit pas choir. Enfin, le chœur. Ah oui, voilà. Le chœur, ouais. Afrique du Sud, c'est. Voilà, c'est un groupe de gospel, voilà, d'Afrique du Sud, qui a notamment chanté pour la finale de la Coupe du Monde 2010, qui était en Afrique du Sud, et qui a fait des chansons pour le film Wall-E, par exemple, et qui a obtenu des tas de Grammy Awards, de Golden Globes. Et justement, il y a eu un Grammy de la Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist, donc meilleur vocaliste de. J'essaie de traduire en même temps. Meilleur vocaliste d'une composition d'arrangement instrumental. À la 53e cérémonie en 2011, donc pour ce morceau Baba Yetu. Le morceau a même été utilisé un peu avant pour les Jeux mondiaux de 2009, comme cérémonie d'ouverture. Les Jeux mondiaux, c'est comme les Jeux olympiques, mais avec des sports pas connus. Voilà. D'accord. C'est quand même vachement bien. C'est jolie musique. Ça, c'est bien, c'est diversifié, tu vois, cette chronique musique. Alors, pour la petite anecdote, ça, j'ai lu en commentaire sur YouTube et je trouve ça très marrant. La chanson et la façon dont elle est utilisée pour le jeu Civilization 4 représentent un peu le mélange des peuples et des cultures et finalement une sorte d'universalité parce que, attention. Oh, c'est tellement beau. Attention, pas d'offense. C'est un chant de blanc. Baba est notre père. C'est un chant de blanc qui est chanté par des noirs, toujours no offense, et qui a été composé, attention no offense encore, par Christopher Tin, qui est un américain d'une trentaine d'années quand il l'a composé à l'époque et qui est originaire d'Asie. Donc c'est donc c'est universel, c'est mondial, voilà. c'est Benetton, magnifique quoi. Et tout le monde se fait des bisous en se tenant la main, en dansant. D'accord. Exactement. Et ce gars d'ailleurs a composé des tas de musique pour de la pub, pour des trailers, et lui aussi il a obtenu des tas de Grammy Awards. Christopher Tin, Baba Yetu. Voilà, ce qui veut dire notre père c'est en Swahili. C'est beau cette hymne à la tolérance. Voilà. Ça veut dire notre père en Swahili, et maintenant vous savez parler le bantou, et c'est vachement bien quand même. Ah bah on sait dire notre père, ce qui est quand même pas normal. Ouais, c'est quand même, on n'est pas la moitié d'un trou de balle. Voilà. Donc du coup, on va enchaîner tout de go avec la dernière partie de l'émission et notre dernier. Oui, on va parler de la suite, je ne suis pas obligé de le dire comme ça. On va parler de la suite, c'est capital. Oui, on a parlé rapidement de la Switch qui est en rupture de stock, la console la plus achetée aux USA en octobre et aussi au Japon. Deuxième pénurie, il y avait une pénurie en mai. Il y a une nouvelle pénurie. On ne sait pas s'il y aura des livraisons pour Noël, par exemple. Voilà. Ah oui, ouais, ils vont se démerder. Ouais, voilà. Est-ce que Nintendo ferait pas un peu exprès? Ce serait pas une méthode juste pour. Petit bâtard, quoi. Okay, je crois que t'étais tout fan de Nintendo. Ouais, mais là, ouais, c'est pour ça rien, voit, je quoi. M'excuse. Ça se voit. Ouais, mais c'est parce que c'est des bêtes du marketing depuis le début, quoi. Je veux dire, les mecs, ils vendaient des ils cartes. Créent, ils créaient le besoin, ils vendaient des cartes à jouer en 1903. Ils vendaient des cartes à jouer. Pachinko. Des machines à jouer. Ouais, des pachinko et tout. Puis maintenant, ils sont. D'ailleurs, il n'y a pas eu de Black Friday sur la Nintendo Switch parce qu'ils ont peur justement de tout écouler. Donc, du coup, c'est la seule console au monde. Ils ont doublé le prix en fait. Ils ont fait un White Friday. D'ailleurs, il y a Tamagotchi aussi qui reviennent. J'ai vu ça, mais ça n'a rien à voir avec la chose. C'est pas des jeux vidéo. Les Pokémon aussi. Bah, je sais pas. On annonce tous les trucs qui reviennent ou comment ça se passe? Pokémon Diamant Perle Bleu. Ok. Alors moi j'ai selon une source anonyme que je ne tairai pas qui s'appelle Gorge Profonde. Voilà, qui a parlé au Wall Street Journal. Ah ben voilà, mais c'est ça, c'est le petit-fils de Deep Trust. Exactement. Nintendo produira entre 25 et 30 millions de consoles dès avril 2018. Et si la fin 2017 est particulièrement rentable, ces chiffres pourraient même augmenter. Voilà, la poule. Est-ce que c'est la poule aux œufs d'or, la nouvelle poule aux œufs d'or de Nintendo? Je crois que oui. Hein. On peut le dire. Bah que ouais, là, mais c'est. Enfin, je veux dire, les précédents. La Wii U, c'est quand même un échec énorme, quoi. Enfin, un gros échec, quoi. Voilà, c'est cool. Moi, je suis super content. J'adore. Pour moi, c'est The. C'est la maison, non mais Nintendo, c'est la maison de jeux vidéo qui incarne, qui a vraiment qui se démerde déjà bien au niveau business. Parce que quand ils ont les premiers succès qu'ils ont eu, c'était quand même pas le monde actuel sans pitié de milliards et de milliards de dollars que le jeu vidéo est aujourd'hui. Non, genre l'enfer. Donc, genre Sony, tu vois, on s'est dit ouais, Sony vont tout niquer, ils ont tout niqué, voilà, Microsoft, énorme boîte, tu vois, ils en ont rien à foutre de vendre des Xbox, Microsoft quoi. Mais Nintendo tient bien le coup quand même dans cette histoire en gardant son identité. Voilà. Et la Switch est une bonne console. Eh ben ouais. Bah j'en sais rien parce que j'y ai pas joué, mais d'accord. Voilà. On va passer à l'autre débat. Hein. Juste une petite info comme ça pour rigoler. Switch et Super Mario Odyssey a été mis en stock à 279 pounds livres en Amérique, en Angleterre pardon, et ça a été vendu en 126 secondes. Rupture de stock de nouveau. Alors 126 secondes, d'accord. Voilà, rupture top de stock encore une fois. Et j'ai top, c'est parti. Stop, il n'y en a plus. Voilà, 2 minutes 6 du coup. On va parler du coup de la BlizzCon avec Jérémy. Oui, bonsoir. Parce qu'il aura attendu longtemps pour en parler. Il aura attendu toute l'émission. Aussi pour faisons un petit retour rapide sur ce qui s'est passé il y a deux semaines. Donc on devait avoir Jérémy. Previously in Game Trip FM. Previously in Game Trip. Nous devions l'avoir en direct de Anaheim. Enfin, en tout cas, de Nantes et où à Los Angeles à ce moment-là. J'étais à Sacramento. Ah, t'étais à Sacramento, d'accord. Sacramento. J'étais à Sacramento. Pour un tournage. Un tournage. Un tournoi. Un tournoi de volley. Et du coup, voilà, et il se trouve qu'on l'a appelé. Donc chez lui, il était 2h40 quand on l'a appelé. Et il se trouve que quand tu m'as appelé, bah ça a forcément fait vibrer le téléphone. Et vu qu'on devait jouer 6 heures après, il y a forcément mes coéquipiers/collègues qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous. Enfin, j'en avais prévenu un ou deux, mais ceux-là en l'occurrence je les avais pas prévenus. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu fous, demain on doit être sur le sentier de la guerre, on va dire, dans 6 heures. Et puis ils étaient forcément un petit peu bourrés aussi. J'aime bien les mecs genre tu sais avec 2 grammes. Demain on a un match alors tu vas pas téléphoner. Le mec il est bourré mais t'as pas le droit de téléphoner. Ouais, tu peux téléphoner. Ça a fini dans une piscine. Bah il y avait effectivement une piscine dans le Airbnb qu'on avait loué. Et forcément une piscine tu dis ça. Bah c'est t'es pas. Ouais c'est ça. Ouais. Bon bref, tout ça pour dire que il nous a mis dans la merde pendant une demi-heure puisqu'on a essayé de l'appeler pendant une demi-heure. On a meublé comme des oufs si vous nous avez écouté à ce moment. Réécoutez le podcast sur GameTrip.net. Je ne doute pas qu'ils en sont bien sortis. Voilà, et réécoutez donc le meublage infernal, impétueux, qu'on a fait. Impeccable. On a tellement de choses intéressantes à dire finalement. Voilà, jusqu'à avoir compris qu'on ne l'aurait jamais, étant donné que. D'ailleurs, on pensait, tu réécouteras l'émission toi-même, on pensait que tu étais dans une prison au fin fond. Ouais, on s'est dit, voilà, il s'est fait. Moi, j'ai quand même perdu mon téléphone dans l'affaire. Oui, mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc, tu étais à la BlizzCon à Anaheim. À Anaheim. Le 3 et 4 novembre. Oui. Tout à fait, et la BlizzCon, c'est la grand-messe des jeux Blizzard, on peut le dire. C'est l'idée, oui. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'année là a été, c'était la 11e BlizzCon, si je me souviens bien. C'était clairement une des deux meilleures BlizzCon, tout simplement parce que les deux jeux, le jeu emblématique de Blizzard qui est, c'était Warcraft à la base, mais maintenant c'est passé à World of Warcraft. Il y a eu deux annonces par rapport à World of Warcraft qui ont été immenses, pour les aficionados du jeu, bien sûr. Donc, la prochaine extension, donc qui est basée sur, ils reviennent un petit peu aux sources Donc à la base, c'est un conflit entre la Horde et l'Alliance. Donc la Horde, c'est les orques. Attends, il y a quoi encore? Des ogres, des sorciers, des ombres. Non, il y a pas ça. Non, c'est. Tu cherches tous les trucs. T'as les orques, t'as les taurennes, donc c'est des hommes buffles, enfin, hommes taureaux, on va dire. Les elfes noirs. T'as des elfes de sang, effectivement. Okay. Et t'as encore deux autres races, mais maintenant je me souviens même plus. Et les morts vivants, voilà. Les roumains. Et qui sont opposés, voilà, aux humains, aux nains, aux gnomes et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Non, et voilà. Donc il y avait effectivement 15 000 personnes dans cette salle. World of Blida, quoi. Il y avait 15 000 personnes dans cette salle. Et l'annonce justement a été accueillie clairement quand on est dedans et qu'on est fan des jeux Blizzard, ça faisait vraiment des frissons d'être dans la salle parce que ne serait-ce que la vidéo. T'as pas mis de chauffage ? D'accord, t'as même pas mis la petite symbole. Laissez-le faire son reportage. Vraiment pour les fans de Blizzard, c'était vraiment génial comme annonce. Et ils ont aussi annoncé, ça c'était très très attendu, parce que pendant toutes les années de World of Warcraft, il y avait des gens qui voulaient toujours jouer à la version Vanilla, donc la version de base du jeu, qui était plus intéressante selon certains avis. Et là, donc les gens-là jouaient sur des serveurs privés, donc qui étaient un peu condamnés par, enfin qui étaient tolérés par Blizzard, mais vu que ça leur rapportait pas d'argent, fatalement ils étaient un peu contre quand même. Mmh. Et là, du coup, Blizzard a annoncé qu'ils étaient en train de travailler donc pour 2019 a priori sur WoW classique, WoW version classique, et où ils vont, en gros, on pourra, si on veut, reprendre tout le jeu comme il y a 13 ans, puisque c'est l'année, c'était son anniversaire. Ils ressortent le même jeu, quoi, en fait, 13 ans après. Oui, alors, fatalement, il y aura, ils reviendront, le moteur graphique, a priori, donc, aura évolué quand même, mais en fait, il y a tellement de gens qui attendent, justement, comme on en parlait il y a un mois, parce que maintenant, le jeu est devenu trop accessible, on va dire, facilement au casu, tout ça, on est d'accord, hein. On s'est compris, clin d'œil, et il y a énormément de gens qui attendent justement le retour de la vraie difficulté, comme à l'époque, de pas arriver niveau 100 en quelques heures d'XP, mais de vraiment galérer, en fait. Il y a des gens qui attendent juste ça, j'en fais partie, clairement. Et je suis plus pressé de revoir cette édition classique que de voir vraiment la prochaine extension, en fait. Peut-être bête, mais bon, voilà. C'était mon premier vrai jeu et ça fait 13 ans que j'y joue. Voilà, quoi. Et donc, sinon, en dehors de World of Warcraft, il n'y a rien eu sur Diablo, du coup. Puisque Diablo, ils ont déjà annoncé quelque chose l'année dernière. Il y a le Nécromancien qui est sorti, donc il n'y a rien de neuf là tout de suite. Le Diablo 4, à mon avis, c'est dans. Ouf. Vaporware, donc. Il n'a même pas été annoncé, donc de toute façon. J'ai vu la Coupe du Monde d'Overwatch, donc toi qui es fan d'e-sport. Tu réécouteras la chronique de la semaine dernière. En plus, c'était sympa parce qu'il y avait l'équipe de France, justement. Oh, dis donc. Qui était. Donc, Avec les fameux joueurs de l'équipe de France. Oui, c'est ça. Voilà. Il y avait ceux qui ont été reçus à l'Elysée. Il y avait Pogba. Je crois, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, c'est des dérives que je trouve un peu débiles. Non, mais ça, on est d'accord. C'est même pour les footballeurs, oui, pour moi c'est pareil. Même quand on gagne une Coupe du Monde contre le Brésil chez nous. Mais c'est une blague. C'est, ça doit être plaisant, pas ça. Regardez quand même. C'était plaisant, regardez quand même. Bien sûr, c'est plaisant et c'est stressant parce que c'était une arène, construite exprès pour ça. Et dedans, t'avais 5000 personnes qui regardent ça, quoi. Et c'est pas, honnêtement, moi j'adore regarder aussi du sport, du basket, du foot et tout ça. Et je trouve ça pas plus con de regarder finalement des mecs qui jouent en équipe. Non, mais c'est vrai. Non, je suis d'accord. T'as pas l'air, hein, mais. Non, mais pour le coup, ça, si je suis d'accord sur ça, en tout cas. D'accord. Et donc, pour Overwatch, il y a effectivement un nouveau perso qui a été dévoilé. C'est pas un jeu auquel je joue des masses, mais c'est un perso moitié soigneur, moitié DPS. Mais donc voilà, les amateurs pourront mieux en parler. Ils font une convention avec je ne sais pas combien de millions de personnes, milliers de personnes. Oui. À Anaheim, avec tous les journaux, 400 journalistes. Oui. Pour dire qu'ils vont sortir un perso un jeu. Ça c'était la cérémonie d'ouverture. Ça montre peut-être aussi le succès. Non, c'est la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et en fait, après, chacun allait. Il y avait six halls immenses avec chacun la scène et la scène de jeu et la scène après. T'avais des conférences et tout ça sur le jeu. T'as vraiment tout et n'importe quoi. T'as tous les goodies, tous les machins de l'univers de Blizzard partout. Après, chacun allait dans les endroits avec ses jeux de prédilection. Moi, je sais que les endroits-là, j'y allais quasi pas. Et donc, moi, j'allais voir bah, pour le travail aussi pour l'extension de Hearthstone, donc qui est le CCG, donc le Collectible Card Game de Blizzard, donc qui est jeu de cartes à collectionner. Voilà. Qui, oui, merci. Qui est donc tiré de l'univers de World of Warcraft. Et donc il y a eu aussi l'extension qui a été annoncée. On était au courant qu'il y en avait une. Donc là ils ont dévoilé le nom de l'extension et les premières cartes. Donc ça a été un gros teasing plus qu'autre chose. Mmh. Et voilà. Sinon, et sur le Heroes of the Storm, donc qui est le pendant de League of Legends pour les gens qui connaissent. C'est un MOBA, donc je sais plus ce que ça voulait dire, mais ouais. Voilà, c'est un MOBA quoi. Multiplayer online Battle Arena, oui, ouais. C'est ça, je crois. Et donc, c'est pareil, il y a deux personnages, un sorti d'Overwatch et un sorti de l'univers de World of Warcraft aussi, qui viennent rejoindre le roster de Heroes of the Storm. Et voilà, non, mais après, en fait, pour les gens qui sont fans des jeux-là, c'est des sorties énormes en fait. Et ça te fait ton année en fait parce que. Ils jouent qu'à ça finalement, donc. Ouais, voilà, où t'as. Et en fait, en général, quand tu joues à un jeu Blizzard. En général, tu joues à 2, 3, voire 4 parce que tout ce qu'ils font, quand ils te donnent, par exemple, quand tu achètes une version collector, tu as des goodies pour tous les jeux. Mmh. Enfin, après, le marketing, ils sont très très forts là-dessus. Et voilà. C'est des rares éditeurs où les gens vont attendre le jeu parce qu'il est fait par Blizzard et puis qu'ils vont jouer parce que, genre, Ubisoft. Il n'y a pas de fans d'Ubisoft, il n'y a pas une telle cohérence aussi. Oui, mais Ubisoft n'est pas tant développeur qu'éditeur. Ouais. Par contre, tu vois, moi, LucasArts, j'achetais un jeu LucasArts parce que c'était développé par LucasArts. Ouais. Mais ça n'existe plus vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'indés et puis beaucoup de développeurs qui sont des tierces parties, qui travaillent avec, qui ne travaillent pas avec, qui sont vendus à plusieurs éditeurs, mais c'est un peu un gros mélange maintenant. Il n'y a plus de développeurs qui sont dédiés à certains éditeurs où tu sais que voilà, si t'achètes chez cet éditeur là ce sera forcément ce développeur là à part peut-être DICE avec Electronic Arts sur des Battlefield ou des choses comme ça quoi. Mais c'est vrai que non, là pour le coup effectivement Blizzard je pense gère tout du haut et ils ont une organisation qui fait qu'ils ont une équipe bien définie sur tel jeu et qui s'occupe que de ce jeu là et ça tourne. Pour moi, ils sont vraiment très très forts pour garder justement autant de gens. Ils arrivent à garder les pros, ils arrivent à garder les casus, ils arrivent à pour le coup, ils sont vraiment vraiment très très bons à ce niveau-là quoi. D'accord. Donc non, et puis après, plus sur le point de vue personnel, c'était un kiff parce que c'était excellent quoi. Puis c'était à Los Angeles, donc il faisait beau, alors que ici, ça va. La prochaine fois, on essaiera de le faire en direct. Hein. Mais ouais, carrément. Au final, il y a Jack qui nous dit, on va voir si vous lisez les commentaires en direct cette fois. Mais fait. Oui, Jack, on lit les commentaires en direct, mais la prochaine fois, commente plutôt ce qui se passe dans l'émission, hein. Enfoiré. Bah. Jack qui sera peut-être avec nous lors de la prochaine. Dans deux semaines. Merci pour ce live report quasiment en live, mais quasiment. Avec deux semaines de différence. Deux semaines. Ouais, trois semaines. On va passer à notre dernière chronique et nouvelle. Chronique également, c'est la chronique Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. Voilà, donc voilà. Ah la vache, c'est vraiment fait plaisir. Toi. Soit on retient cette news, soit on s'en bat les couilles. Hein, à vous de me dire. Première news, attends, est-ce qu'on est censé être genre politiquement correct ou pas? Non. Soit, non. Bah là, je pense que c'est foutu de toute façon pour le politiquement correct. Alors, Level Up a annoncé son adresse enfin. Réécouter le podcast de la première édition. Ouais. C'était le bar e-sport à Metz. On avait eu le cofondateur en direct avec nous à l'antenne. Ce sera donc au 17 rue Saint-Marcel à Metz. On pensait que c'était dans le quartier de la fac. Bon, c'est pas loin, hein. C'est le quartier de la fac. Voilà, c'est le quartier qui héberge les tas de kebabs, les salles d'arcade, les photocopieurs, les cybercafés, les cafés littéraires, les cafés jeux de société, les cafés jeux de rôle. Et ben là, c'est un café e-sport maintenant. Donc ce sera, c'est dans la petite rue qui est pas fréquentée entre la rue du Pont Saint-Marcel où justement il y a tout ça. Et la rue du Pont des Morts, plutôt l'inverse, la rue du Pont des Morts où il y a tous les kebabs et la rue du Pont Saint-Marcel qui va au Temple Neuf. Voilà, le dernier truc en date, c'est un bistrot qui s'appelait La Plume. C'est le dernier truc que j'ai vu. Ah, et je vois. Voilà. C'est, ouais, c'est donc maintenant ils sont mis là. Chez moi aussi, Psartek ou Balek? Ouais, Psartek. Je viens d'apprendre la signification de cette expression. Non, moi, plus, c'est entre les deux, mais je sais que bah j'y passerai au moins pour voir commencer ouais, pareil, et tout ouais. ça quoi. C'est bah ouais, puis je sais pas, c'est assez unique. Allez, Psartec, parce Metz. Que moi j'ai aussi envie d'être invité pour la première. Ouais, c'est ça voilà. Carrément. Et ça ouvre, par contre il y a une date ? Non, toujours pas de date. C'est pas que un bar e-sport comme vous expliquez. Oui, mon son m'échappe, Kevin. Du cosplay et tout, il y a je sais pas s'il y aura beaucoup de cosplay, il y aura des trucs ouais, il y a de la grille. C'est un geek, c'est un bar geek qui dit donc tu vas avoir je sais pas moi, des gens qui viennent jouer. Ouais, c'est ça. À des jeux de plateau, à des jeux de cartes, à des qui viennent jeux vidéo, qui viennent parler de manga, de trucs. Donc on verra cool, ça. Hein. Donc Psartec. Oui. Autre petite info en bref. C'est en fait c'est les infos en bref. Hein. On l'a appelé Psartec Boleg, mais voilà. Ouais. Là, on s'est un peu étendu. Quoi. Voilà. La Nintendo Switch qui va être désignée comme le matériel de l'année par Time Magazine, hein, un gros succès pour la console dans le magazine très influent puisque Time c'est celui qui met la personnalité de l'année. Donc, ce sera la Switch cette année. Alors en version gadget. Donc sur la rubrique gadget, la Switch sera le gadget de l'année. La Xbox One X sera 8e, la SNES Classic sera 6e et le 2e du classement c'est l'iPhone X. Donc Switch gadget de l'année, Psartec ou Balek ? Je m'en bats la race, mais d'une force. Pareil. Ben ? Ouais, on faire un classement là-dessus, mais okay. Très c'est bien. Lamentable. Très Times, c'est lamentable. De merde. Voilà. La chronique France Culture avec Ben. Half-Life a 19 ans. Le jeu emblématique de Gabe Newell et de Valve est sorti le 19 novembre 1998 avec Gordon Freeman, tout ça, vous le savez. Puis après, il y a eu le mode Counter-Strike qui est devenu un jeu à part entière. Counter-Strike est devenu un jeu à part entière en Allemagne ou en Alsace même. Là. Et toute une série de jeux FPS bien connus après qu'on a appelé les Half-Life-like. Half-Life a 19 ans. Psartec ou Balek ? Bah, bon Psartec à fond. Ouais, Psartec. Ouais, bon anniversaire. On s'en fout que ce soit son anniversaire, mais. Bah, ah le 1, il est tellement génial. Ah, c'est quoi. Tellement. Ah ouais, il est culte, ouais, il est vraiment culte. La sortie de Football Manager 2018, le 10 novembre dernier, la référence ultime des jeux de simulation de foot. Et là, je suis sincère quand je le dis. Psartec ou Balek ? Ah, je m'en bats là. Ah bah, moi, j'y jouerais pas, mais j'ai tellement de beaux souvenirs sur ce jeu. Alors, t'as même fait une chronique Psartec. Dessus. Bah ouais, Psartec, ouais. Évidemment, c'est le meilleur jeu. Psartec, le jeu. Psartec, le jeu. Par contre, j'attends. Alors, Psartec pour Cycling Manager. Alors là, je te dis. Ah putain, yes, c'est quoi, on le testera. Master X Master, le MOBA de la compagnie coréenne NCSoft, va fermer ses portes en janvier parce qu'il n'est pas très connu en Europe, pas d'ailleurs en France non plus. Mais c'est un MOBA avec des combats en PVE qui a pas top marché finalement. Un MOBA avec des combats en PVE. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, en résumé. Et il était jouable depuis 2014 et les serveurs vont fermer le 31 janvier. Psartec ou Balek ? Moi je l'ai mis juste pour pouvoir mettre un massif Balek dessus. Je l'ai vu moi justement en streaming, c'est à chier. Ouais, bah apparemment il a pas marché donc voilà. Et c'est pour ça qu'il l'arrête sans doute. L'éditeur Rareware, très connu pour ses jeux N64 bien sûr, va sortir 3 vinyles pour les joueurs nostalgiques des jeux et de la musique. 3 orchestrations sur des jeux de la console SNES, N64 et Xbox. Il s'agit de Conkers. Je sais pas si vous vous souvenez de Conkers, c'était avec un petit personnage touffu. C'était furry mais avec le jeu de mots de fur, la fourrure, d'accord. Voilà, donc c'était un espèce de raton laveur ou d'un renard ou je sais plus quoi. Viva Pignata et Battletoads. Ah, donc, Viva Pignata. Voilà, cool. C'est des pistes qui n'ont jamais été publiées de ces jeux-là et ça va coûter entre 28 et 35 dollars. Les précommandes ont débuté hier pour des livraisons au printemps. Psartec ou Balek ? Encore des loot box, loot box en forme de vinyle. C'est inédit. Non, bah moi Psartec parce que ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air cool, mais Balek parce que j'ai pas de platine pour jouer. Ouais, voilà. Balek parce que je sais que je. Clairement. Siphon Filter reviendra peut-être. Le nom a été enregistré au registre des marques par Sony. Siphon Filter, vous en avez peut-être entendu parler si vous avez. Balek, je ne connais pas. Regardez GameTrip.net. Et si vous avez vu la page Facebook de Game Trip, on vous en a parlé puisque à l'époque, soit on faisait un jeu de mots à la con dessus sur le siphon, parce que bon, on était jeunes et cons, soit un pote vous avait dit ou alors Player One faisait des jeux de mots de merde aussi parce que il y a pas. Mais c'est surtout qu'à l'époque, on avait dit ah, regarde, c'est un Metal Gear Solid like avec un badascope et tout ça. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout ça. Donc Balek pour toi. Ah oui, complet. J'ai même pas On kiffait les anglicismes à l'époque. Quand même. Ouais, Balek quoi. Ouais, Psartec parce que Balek, non, c'était un bon truc, j'aimerais bien le revoir quand même. Ouais, mais si ça se peut, ce sera un film. Et enfin, on va terminer avec une brève imposée par Jérém, les 13 ans de World of Warcraft. World of Warcraft. Ah bah moi c'est ma vie, c'est la moitié de ma vie. C'est le jour de l'anniversaire hein. Non, c'était donc le 23 le jour anniversaire. Psartec ou Balek ? Bah moi ouais, c'est Psartec, c'est le meilleur jeu du monde quoi. C'est pas le meilleur jeu, mais c'est celui qui m'aura le plus, qui m'aura le plus marqué ma vie, clairement, ouais. Pas moi, Balek, hein. Bah, allez, hein. Je viens le. Allez. Bah, allez quoi? Bah, allez, assume maintenant. Qu'est-ce que je te dis? Allez, les bleus, je sais pas. Oh, bah, allez, on est tous ensemble. Non, mais ça irait bien, mais bah, perso, ouais, je m'en fous, quoi. Voilà, bah, assume. Et ben, on se termine sur ce balai. On termine sur ce balai à 2-1. Voilà, c'est terminé pour cette 8e édition de Game Trip FM, 8e et nouvelle dans le format. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle nous a plu. Et on se retrouve donc dans 2 semaines, donc avec ces nouveaux horaires. Hein, 11h pour le début, ça dure 1h30 maintenant. On se retrouve donc samedi en 14. Pour pas dire samedi en 8, du coup. Oui, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Et puis du coup, que dire de plus? Retrouvez-nous en rediffusion mardi soir à 18h30. C'est une nouvelle horaire aussi, hein, faites gaffe. Donc mardi soir 18h30 ou alors en podcast sur gametrip.net dès ce soir. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez réagir avec nous et venir en studio, téléphoner pour participer à nos débats avec nous, tout ça. Surtout si vous êtes blond à forte poitrine. Surtout si vous êtes blond à forte poitrine. Ne le faites pas si vous êtes un Californien et que vous êtes avec une équipe de mecs bourrés qui veulent pas que vous téléphoniez. Qui joue au volet bourré. Voilà, parce que sinon, vous risquez de perdre votre téléphone et votre dignité également. Zogma. Et donc, du coup, on se retrouve donc dans 2 semaines. Merci Ben, merci Jérém pour ces débats enflammés et passionnés. Et on se retrouve. À bientôt, les auditeurs. À bientôt, les loulous, comme il dit à chaque fois. C'est ça? C'est ça. C'est comme ça qu'on dit? Bisous. Ok, bisous. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur BLE Radio.fr.